putain, ça caille sa race dehors. Ah ouais, j'avoue, ça pue l'hiver là. Ah non, vraiment, je suis dégoûté, je peux même plus traîner en terrasse l'après-midi. Bah tant mieux, tu vas peut-être bosser un peu plus alors. Bah non, non, je pense pas, pourquoi? Bah tu feras le ménage au moins alors. Bah non, il y a déjà Sandro. Ah, tu vas faire quoi alors? Bah comme tous les hivers, je vais mettre les radiateurs à fond de balle et puis je vais m'installer un solarium dans le salon. Si les experts Miami devaient écouter une seule émission de radio. C'est une excellente question. Y a pas de doute. Y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de psychopathes. Michael, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Effectivement, on est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh oui, ce soir. Match de l'équipe de France. Allez, bim. Ouais. Allez, ça y est. Bah oui, je sais. En plus, tous les fans de Grey's Anatomy sont dégoûtés puisque la série a été déprogrammée pour mettre le match des Bleus à la place. Donc. C'est bon. Je rassure les fans de Grey's Anatomy dans les épisodes de ce soir. Alors, il y a Grey qui tourne autour du cul du docteur Folamour. Elle lui dit qu'elle l'aime, mais finalement, il se passe rien. Elle le jette quand il est open à la fin. Voilà. Voilà. Bon, bah, ouais, bah, je rassure aussi les fans des Bleus. De toute façon, ils vont tourner autour du but sans jamais marquer. Il se passera rien non plus et on jettera pas Domenech à la fin. C'est pas mal, ouais. C'est pas faux. Ouais. C'est en plus, le match sert à rien puisque, quoi qu'il arrive, la France jouera en barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde. Voilà. Bah, si, ça sert à bien rire si Domenech se ramasse encore mais une non, fois. On va voilà. Gagner. En tout cas, ça fera des bons titres dans les journaux demain matin. Et c'est pas avec Grey's Anatomy justement qu'on fait la une d'aujourd'hui en France. Bon, on suit le match de toute façon, rassurez-vous, pas de problème. Et on aura d'autres chats à fouetter également ce soir dans l'émission. D'ailleurs, si vous comptez vous démonter la tête à l'accro ce soir à cause de Domenech, appelez-nous avant. Ah, voilà, on va parler d'alcool ce soir. Oui, probablement de Kit Kat aussi, mais bon, ça c'est un autre débat. Bon, alcool donc avec une étude anglaise qui prône l'éducation à l'alcool. En gros, il est important que les parents boivent avec leurs enfants pour éviter que plus tard, ça donne au, comment on dit, binge drinking. C'est binge drinking. Le binge drinking, c'est quoi? C'est quand tu bois d'énormes quantités d'alcool en très peu de temps pour être vite bourré. Ah oui, voilà. Oui. Moi j'appelle ça le samedi soir, tout simplement. Oui, je vois pas pourquoi ils se prennent la tête avec des noix à la con. Tes parents ne t'ont donc pas éduqué à boire, hein, sinon tu n'en serais pas là. Ouais, je suis pas sûr. Ouais. Bon, bah bref, dites-nous si vous êtes plus ou moins d'accord avec cette méthode. 6-11-12, débutez le message par Michael et puis vous laissez votre numéro de téléphone. Ou alors vous appelez ça, j'allais dire Sandro au standard, je sais pas pourquoi, un vieux Roland comme ça d'il y a 4 ans. Wow. Vous appelez donc Micha au standard, 0800 70 42 48. On en parlera tout à l'heure. Et comme par hasard, c'est une étude anglaise. Oui, de Liverpool. Ah oui. Parmi un panel de 10 000 jeunes étudiants britanniques. Bon, bah, je propose qu'on trinque tout au long de la soirée pour se mettre dans l'humeur du débat. Ah, non, on est mercredi, le mercredi c'est interdit. Ah non, ah, bah, c'est le petit ciné des Mexicains qu'on devrait interdire le mercredi. Ouais, bah, j'essaye, hein, mais malheureusement, ils ont ils ont les auditeurs de leur côté. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais bon, les gens sont fans du petit ciné des Mexicains, du coup, je peux pas lutter. Le peuple a parlé. Ouais, mais il y a eu plein de collections sur le site pour le petit ciné de la semaine dernière. Là. Ah ouais, bah allez-y d'ailleurs, les autres, ceux qui n'ont pas encore été voir, là, mikl.fm, pour réécouter le petit ciné des Mexicains la semaine dernière, c'était le spécial Petit Nicolas. Voilà. C'est con, puis me permettre, je crois que c'était FM la semaine dernière. Ah oui. Oui, c'était il y a deux semaines, le petit Nicolas. Il y a deux semaines déjà. On est tellement fans, le temps passe tellement vite. C'est mais c'est à fou, deux ça. Semaines près, on aurait eu un tout autre délire avec le petit Nicolas. Ouais, c'est vrai, on aurait parlé de Jean Sarkozy. Et on aurait eu des problèmes. Bah nous non, mais les Mexicains, je sais pas s'ils ont vraiment leur papier. Enfin bon bref, on leur demandera tout à l'heure. Et puis on va y rester aussi dans le cinéma puisque Canal a eu la meilleure idée du siècle depuis... Bah depuis 9 ans. Hein. Oui, bon, bref, oui, ça va. Bon, donc ils ont décidé de faire une semaine spéciale cinéma. Ah. Belge. Bah oui, dis, ça c'est bien. Ah. Repenser le film Le Père Noël est une friture. Et l'attaque de la patate tueuse. Et on mangera des frites à la place du popcorn. C'est ça, vous me fatiguez avec vos imitations belges à la con. Je sais pas si vous avez remarqué, ce qui est relou avec le ciné belge, c'est que comme il y a deux langues chez vous, bah, en fait, t'as quatre phrases de sous-titres en dessous. Du coup, tu vois jamais l'image. C'est pas faux, il a pas tort. Bon, allez, je vais commencer à sévir, je vous préviens. Ouais, bah vas-y. Mais non, mais faites gaffe. Prochain qui commence à faire des imitations pourries au niveau de la Belgique ou qui critique, ça sévit. On analyse. Bref, on en parlera tout à l'heure aussi de cette semaine spéciale. Donc en attendant, on va faire un tour du côté du répondeur, histoire d'écouter les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400. Et le message le plus original repart avec un cadeau. Hier, on a fait gagner tout le répondeur. Est-ce que ce soir, ce sera encore le cas? On verra. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Bonsoir, nous sommes le mercredi 14 octobre 2009, il est 21h. Et oui, c'est officiel, Sandra, ancienne animatrice radio, vient de racheter une Kit Kat. Soulignons également au passage qu'elle vient d'épouser le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, M. Roux, avec qui elle vient d'avoir deux bons enfants. Du côté de cet homme, il est devenu producteur de films X et est devenu PDG de chez Durex. Quant à Micha, il n'a toujours pas accouru de travail depuis 2009, année où il a été viré du Standard pour cause de non-travail. C'est bon, fin du message. Message suivant. Allô, ici les couilles de teuf. On est un peu usé, alors on veut être remplacé. Oui. Remplacer. On a marre de visiter tous ces trous. Alors, si on pouvait nous remplacer par une de roue et une de jack, on vous en remercierait beaucoup. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut l'équipe. Alors, en fait, moi, j'ai demandé à plein de gens, mes potes, mes parents, tout ça, s'ils pouvaient m'expliquer ce que c'était le truc sur Domenech, là, parce que je n'avais pas trop compris. Et ils m'ont tous dit que c'était compliqué. Alors, moi, j'aimerais bien comprendre quand même. Et je me suis dit, pour tous ceux qui n'ont pas compris, vous pourrez peut-être faire l'affaire Domenech pour les nuls. Pourquoi pas? Allez, oui, tiens, pourquoi pas. Fin des nouveaux messages. Eh ben, je ferais bien gagner le premier et le troisième. Parce que le deuxième, le problème, c'est que je pense que l'idée n'était pas mauvaise, mais par contre, on comprenait pas grand-chose. Et le fond est bon, c'est la forme qui... C'est ça le problème. C'est dommage, parce que je pense qu'il partait d'un bon sentiment. Oui, mais bon, c'est pas le tout de partir d'un bon sentiment. Hein. Bon, bah, premier et le dernier, Micha. Très bien. Le premier m'a beaucoup plu, c'est tellement dans le vrai. On s'en fout, Micha, ton avis. Ah, ça, oui, non, c'est vrai qu'on lui demande pas son avis. Hein. Voilà. Bon, voilà, donc ça se passe 01 40 71 3400 pour lâcher les autres messages. Et puis ce soir, on aura pas mal de cadeaux aussi à gagner, notamment dans le Chéri, je t'ai fait cocu, où on met un écran plat. Ah, voilà. Dans le Chéri, je t'ai fait cocu ce soir, un écran plat. D'ailleurs, j'ai un auditeur qui m'a dit ouais, pourquoi vous faites gagner les plus beaux cadeaux dans le Chéri, je t'ai fait cocu ou le GAV? Bah, je dis, c'est quand même là où les gens doivent quand même plus, le plus jouer, le plus prendre des risques. Ouais, parce qu'il y a genre le question pour une réponse à la fin de l'émission. Voilà. Les auditeurs peuvent ne pas jouer, de toute façon, il y a moyen de gagner. Voilà, alors que là, ils doivent non seulement ils doivent jouer, ils doivent improviser et en plus, ils risquent de perdre leur meuf ou leur mec. Et là, quand même, bon. Là, l'écran plat qu'on offre, apparemment, il est tellement grand qui se mesure pas en pouces mais en index. C'est-à-dire... Non. Vous pourrez regarder peut-être les matchs, le match des barrages. C'est un. Bah oui. Ah, sinon pour les fans de foot, on a des places pour Auxerre-Bordeaux entre autres. Ouais, on en parlera aussi. Hein. Auxerre-Bordeaux, si vous voulez choper des places, faites les pronostics pour le match de la France ce soir là. Si vous, vous avez des pronostics, si vous êtes dans le bon, on fera un tirage au sort. 6-11-12, débutez le message par Mickaël. Puis vous mettez foot avec votre pronostic et votre numéro de téléphone et on vous filera des places tout à l'heure. Voilà pour l'écran là, c'est un écran plat LCD qu'on vous file tout à l'heure. On a également tout à l'heure peut-être aussi des places pour la NRJ Session de Lily Allen. On a des albums de Lily Allen, toujours Tokyo Hotel en concert privé. Ça se passera le 28 octobre si mes souvenirs sont bons. C'est ça, le mercredi 28 octobre à 21h, on vous file deux invites pour le concert privé des Tokyo Hotel. Il y aura 30 minutes de concert en 3D hologramme ça, et ensuite ouf. Les Tokyo Hotel qui monteront sur scène. Il faudra vous inscrire dès maintenant si vous voulez. 612 débuté par Mickaël, puis vous mettez TH. On filera aussi des iPod Touch, on a des places de ciné pour Fame, des BO du film aussi affilé, et puis les compiles énergie 200% hit. Comment ils font pour l'hologramme de Tokyo Hotel? Écoute, je ne sais pas. Je crois qu'il faudra qu'on aille voir. Ouais, on gagne tes places, hein. 612, des merdes. Ouais, attends, ça va, merde. Non. Attends, tu connais Bill, vas-y, appelle-le. Juste ça, c'est ça. L'info footballistique, la Belgique est déjà menée 1-0 face à l'Azerbaïdjan, l'Estonie. Ah, c'est pas mal. Bon, et puis niveau musique, on écoutera donc Beyoncé avec Sweet Dreams. On aura aussi le dernier son de Green Day, les PZK aussi avec les Fiador. Et puis juste après la pause, le son de The Black Eyed Peas avec I Got a Feeling sur Energy. Bouge pas. Bouge pas. Mickaël termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. Et voilà le son à l'instant de Black Eyed Peas et un but. But de Benzema. But de Benzema donc pour l'équipe de France, 1-0. Alors c'est bien de mettre des buts quand les matchs servent à rien, c'est dommage. Ils ont mis un but, c'est bien. Non mais tant mieux, mais c'est bien, encore heureux. Mais c'est dommage que là il sert à rien pour la peine. Oui c'est vrai, voilà. C'est pour la confiance. Ouais c'est pour la confiance, mais après c'est mieux. Il aurait fallu mettre des buts à l'avance, tu vois. Ouais. Et là pour le coup s'amuser, limite pas venir, tu vois. Mais bon, c'est bien. C'est déjà ça, attends. Allez les bleus. On a galéré hein, contre l'Autriche au dernier match. Ouais. Bon, enfin bon, là c'est pas fini. Grosse erreur quand même. Cela dit. Bon, et rassurez-vous, Sandro est ravi puisque j'ai mis le match sur les grands écrans. Ouais. Donc elle peut suivre le truc. Si elle rate sur le premier écran, il y a sur le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on est comme ils sont pas tous synchro, c'est bien parce qu'on a le différé après. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Bon, on mettra encore du son tout à l'heure, évidemment, avec un petit son US aussi qu'on mettra, rassurez-vous. Ça se passera tout à l'heure avant la fin de l'émission. Et bon, bah, vous le savez, donc forcément, je suis belge, j'ai découvert qu'il y avait un centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Ouais, je connais, c'est en face de Beaubourg, là, à Châtelet. Mais Roux, comment tu sais ça? Bah, Roux est fan de la Belgique. Mais oui, non, c'est pas ça. Je suis déjà passé devant, mais j'ai jamais osé entrer. Ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Bah, je sais pas, avoir des statues de frites ou des tableaux de Tintin et Milou, moi, ça m'intéresse pas trop. Hein. Quel con, n'importe alors. Et pourquoi tu parles de ça? Ah oui, parce que c'est pour le 30e anniversaire de ce centre, justement. Donc, Canal a eu la bonne idée de nous faire découvrir le cinéma belge. Ouais, enfin, ils auraient mieux fait de faire découvrir le chocolat ou la bière belge. Et il y aura quoi dans cette semaine spéciale belge? Des frites, de la bière et du chocolat. Oui, c'est ça. Bon, ils vont proposer 21 longs métrages. Sur Ciné Cinéma, il y aura une soirée actrice belge. Sur Ciné Cinéma Club, il y aura une semaine nouvelle génération belge. Et sur Ciné Cinéma Frisson, soirée spéciale 100% frisson à la belge. À la Belge. Ouais. Il y en a beaucoup des films d'horreur belges. Tu sais, il y a l'Exor Frite. Oh, ça va. Il y a Massacre à la Frite Tueuse. Oh, bah, tu Frite, les griffes de la nuit. Il y a Saut aussi. Saut a été adapté en Belgique, ça s'appelle Saut de Frite. C'est vraiment nul. C'est pour une fois qu'on parle les Belges autrement que voilà, tu sais, dans des faits divers ou la bande dessinée, moi je trouve ça pas mal. Mais oui. Non, mais c'est bon en plus parce qu'il y a pas mal d'acteurs belges, hein. Cécile de France, Benoît Poulvorde, Olivier Gourmet, Yolande Moreau, Jérémy Régnier, Émilie Dequesne, les frères Dardenne. T'as vu ? Ça devient quand même important dans le cinéma français, hein. Franchement, ouais, franchement, je suis assez d'accord. Mais le plus drôle, c'est que cette semaine spéciale s'appelle Plus belge la vie. et c'est marrant, c'est aussi le nom d'une série que va lancer Canal. Et on a la bande-annonce. 3 présente. Dis, je t'invite au Mistral pour boire une bière? Ça va, laisse-moi juste le temps de me payer une fricardelle vers le vieux port, on y va. Plus belge la vie. Ça va? Oui, bah oui, c'est vrai. Adapté. Ça a l'air sympa quand même. Hein. Ah ouais, ça a l'air d'être une très très bonne série. Hein. Mais je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Bon, on aura l'occasion. Pas être pire que l'original. Hein. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, de toute façon. Bon, oui, avant d'attaquer le sujet dont je voulais parler, je voudrais vérifier un truc en vous posant quelques petites questions relativement rapides. Écoutez, à quel âge avez-vous commencé à boire de l'alcool? Voilà, tout. Bon, rond. Un âge, 12 ans, 13 ans. Ouais, très tôt. Ouais, mais la première, enfin, cuite ou juste un verre? Que t'as commencé à boire. Comme le roux, 12-13 ans. Ah, d'accord, Sandro? Très tard. Ouais, bah, fallait s'attraper entre temps. Bon, quel âge? Je sais pas. Après 18 ans, c'est sûr. Après 18? Ah oui, très tard. Première goutte d'alcool? Ah ouais. Jack. Ouais, c'est pareil que Sandro, c'est plus tard, mais on vous a vite rattrapé par contre. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Très bien, et je sais pas, moi c'était à. Ah bah à 22. Non, 16, je crois, un truc comme ça. 16. On va pas parler de cuite, ouais. Mais oui, c'est ça, c'était vraiment de manière sporadique. Hein. À quel âge avez-vous eu votre première cuite, Roux? Bah pareil, à mon avis, hein, pas loin. Ah ouais, bien. Ouais, 12-13 ans. Oh là là, Roux, c'est pas possible. Ah, mais ça va vite. Tof. Hein. Non, moi je crois que j'ai attendu 15 ans, ouais, quand d'accord. même. 15-16 ans. Ouais. Très bien. Pareil, après 18. D'accord, Jack. Mais je me rappelle pas de ma première cuite, quoi. 17. Ouais, bah ouais. 17. Bah, moi, ça nous étonne pas. Elle était trop violente. Moi j'avais 19, je crois. Ça va aussi. C'est ouais. Ça. Bah si, j'avais 19 à l'époque. Est-ce que vous avez fait des trucs en étant saoul que vous avez regretté après? Moi je le regrette pas, mais apparemment c'était, je crois, à l'époque de 8 Mile. Ouais. Et j'avais prenez été... pour Eminem. Ouais, en fait j'avais été, j'avais bien kiffé le film et je me suis embrouillé avec un mec dans une soirée. Et en fait je me suis pas embrouillé, je l'ai pas tapé, j'ai pas fait tout ça, je l'ai clashé. En rapport. Yeah, ouais. Je me rappelle pas. Apparemment c'était drôle. Ah ouais. Mais bon, je regrette pas. Y a pas une vidéo de ça? Non. C'est dommage. J'aurais kiffé la regarder. Ouais, bah nous aussi je te fais dire. Des trucs. Ah, pardon. Moi j'ai pas besoin d'être saoul pour regretter des meufs que j'ai baisées. Hein. Oh, saoul, hein, parce que tu n'es pas une femme. Hein. Ouais, saoul. Ah, c'est vrai. C'est ça aussi, moi. Il y a des trucs que j'ai fait que je regrette d'avoir fait, mais il y a aussi des trucs que apparemment j'ai fait et je regrette de pas m'en souvenir. Ah, ça c'est con, effectivement. Comme bon, genre Comme Tof. Ah, elle a fait des filles. Mais bon, apparemment elle était aussi torchée que moi, donc. En fait, on sait pas. D'accord, non, pas. Bon, ça se trouve, il ne se rappelle même pas s'ils ont baisé ensemble, c'est ça qui est beau. Et Sandro? Moi non, faut apprendre à assumer, hein, sinon t'arrêtes. Hein. Non, mais tu peux avoir regretté en disant oh, je regrette de l'avoir fait. Toujours, parce que quand tu vois les photos, tu vois le déchet, tu te dis ouais, c'est chaud quand même. Le déchet, aux yeux de tout le monde. C'est oui, bah oui. Bon, non, sinon, j'ai quand même escaladé la façade d'un hôtel italien et le garde est quand même sorti avec son gun. Donc, ah oui, ouais. C'est vrai, effectivement, j'ai oublié les détails. Bon, et enfin, dernière et toi, question. Attends, ah oui, c'est vrai. Non, moi, non. En fait, non, parce que même bourré, je me souviens et je savais ce que je faisais, donc je n'ai pas fait de oui, mais tu peux regretter. D'avoir été bourré ? Ouais. Oh, ça m'a fait rire. Oui, mais quand t'as vomi dans la main d'un mec, tu peux plus regretter, voilà. Ouais, non, j'ai pas regretté. Ouais. Franchement, il allait se faire foutre, tu sais, en Belgique, t'as la sortie des boîtes, t'as les portiers, la sécurité, le bordel, les videurs, ouais. Tu sais, ils tendent chaque fois la main pour le pourboire, et si tu tapes un pourboire, ils t'embrouillent. Ah ouais ? Et là, je me suis gerbé dessus. Ah, beau pourboire, fallait, c'est putain. Ah, il était vénère. Ah ouais, c'était en liquide. Il a pas lésiné sur la quantité. Ah oui, bah j'ai tout mis. Et par contre, c'est pas lui qui s'est embrouillé après. Non. Et puis enfin, dernière question, est-ce que vous avez déjà bu devant vos parents quand vous étiez mineur ? Ah oui. Oui, c'est eux qui m'ont montré comment on faisait. C'est ça, pareil. Très bien. D'accord, Sandro ? Bah non, forcément, c'était 18 ans la première fois. Jack ? Ouais. D'accord, moi non plus. Moi non, d'ailleurs. Bon, bah très bien. Non, très bien. Bah, je me rends compte en fait que l'étude britannique sur laquelle je suis tombé n'est pas totalement idiote en fait. Ah non, parce que c'est une étude britannique. Ouais, tu m'aurais dit une étude belge. Oh, on va te faire foutre, trop, putain. Bon, la faculté donc de Liverpool a mené une enquête auprès de 10 000 ados de 15 et 16 ans qui a montré que 36% d'entre eux avaient déjà bu dans des endroits publics. Ouais, mais l'enquête ne dit pas qu'ils sont 92 à s'être défoncés chez eux, qui est un endroit privé. Ouais, c'est vrai. Et ils sont également 30% à avoir pris part à des violences liées à la consommation excessive d'alcool. Ouais. Ça arrive souvent, ça. Ouais, mais ça dépend à partir de combien de verres on considère que c'est une consommation excessive. Ouais, parce que si tu prends Polo, par exemple, un bonbon à la liqueur, ça lui suffit pour être violent. Un verre d'eau. Hein. Ouais. Un verre d'eau, ça lui suffit. Hein. Et donc enfin, 12% ont eu des relations sexuelles qu'ils ont regrettées par la suite. Alors dans le cas de Toff, c'est 100% hein, qui regrette d'avoir eu des relations sexuelles avec lui. Les meufs, hein, je parle. Oui. Bref, tout ça n'était donc que l'introduction à mon étude, parce que ce qui est important, c'est que selon le professeur Marc Bélis, qui a mené l'enquête, interdire totalement la consommation d'alcool pourrait en aggraver les conséquences auprès des adolescents. Pardon. Mais ça, c'est connu. Hein. Plus t'interdis un truc, plus... ils ont envie de le faire. Hein. Bah donc faudra songer à leur dire de leur interdire d'aller à l'école. Ouais. Ouais. Et il a ajouté que les parents qui permettent de boire de façon modérée, c'est-à-dire pas plus d'une fois par semaine, ce qui est déjà pas mal, donc aux enfants âgés de 15 à 16 ans, pourraient limiter les dégâts à condition que les beuveries ne soient pas autorisées. Ouais, c'est pas con, mais enfin, je suis pas spécialement convaincu. Quoi. C'est pas parce qu'ils vont boire un verre avec leurs parents la semaine qu'ils vont pas se péter la gueule entre potes le week-end. Au contraire, c'est limite honte. Ou sinon, ils ont qu'à se manger la gueule avec les parents la semaine, comme ça ils peuvent les surveiller et après le week-end ils n'auront pas envie de recommencer. Hein. Ouais, c'est ça vrai. Limite les risques aussi. C'est vrai. Bon, en tout cas, venez réagir si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas, si vous pensez que c'est le rôle des vieux d'éduquer les enfants à boire de l'alcool à 15 ans, dites-nous 6-11-12. C'est pareil pour la club et le shit. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc 6-11-12 débuté par Mickaël, ou alors vous appelez 0870-42-48, on prendra vos réactions tout à l'heure. Penalty pour la France. Encore Thierry qui va frapper. Penalty bien volé, hein. Ouais, bien volé. C'est qui le 7, c'est Malouda ? Ouais. Non, Malouda, c'est le 15. But 2-0. En fait, il était déséquilibré, je pense, à cause de son centre de gravité qui était mal placé, et il a fait passer ça pour un accrochage. Quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, c'est du vol, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas bien vu, il faut revoir l'image. Ouais. Bon, deuxième but, alors c'est bien, mais il aurait mieux fallu faire ça il y a quelques semaines, oui, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui, mais d'accord, mais bah, oui, mais bon. Regarde. On regarde, excusez-nous. Tu vois, ouais. C'était escroquerie. Hey, c'est un cascadeur, le mec. Ouais, voilà. Il apprend à chuter. Mais je suis sûr qu'à l'entraînement, ils apprennent à tomber. Hein. Non, bien sûr. Alors, si, les Italiens, oui. Les Italiens. Mais c'est pas conseillé pour les entraîneurs d'apprendre aux mecs de faire ça, parce que bien souvent, tu te manges des jaunes pour simulation. Ouais. Donc des cartons, c'est synonyme de suspension, donc c'est chiant. Ouais, c'est vrai. Bon, bah bref, 2-0 pour la France, avec un but qui n'est pas du tout mérité, en tout cas le second. Je serais sur le terrain, je serais allé voir l'arbitre en disant non, mais il n'y a pas faute à. Non, mais... C'est un match qui compte pour du beurre. Ça, t'es fou, il y a une prime hein, avec le but. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est ça. franchement, l'arbitre, il peut avoir honte s'il regarde le match après. Ouais, un pénalty pour un gars qui tombe. Il y a un reportage en ce moment sur Canal qui s'appelle Les Arbitres, et justement, tu vois un cas comme ça d'un gars qui se rend compte après en fait qu'il a fait une couille et il s'en veut. Bah oui, mais oui, bah oui, tu m'as priori, il aurait rattrapé sa faute. Là, ça va parce que c'est un match qui a aucun enjeu. Mais imagine, t'es en finale d'une coupe ou un truc comme ça. Ah, bah c'est du vol. Hein, c'est du vol. Je vois déjà l'euro, mais chez Dieu. Imagine, ça arrive au PSG. C'est pas pour alors la France. On entend parler pendant 6 mois. C'est des trucs qui arrivent souvent en même temps. Oui, surtout au PSG. Ils sont habitués. Oh, ça va. Alors là, on se dit. Ce sont des victimes au PSG. C'est ça, pauvre Calimero. Roten n'est pas le premier à se jeter par terre à chaque fois. Non, mais non, bah attends. 3. Et non. Ah, non, pas 3-0. Non, mais si, on a au PSG, on a tout le temps des problèmes parce qu'ils veulent faire du PSG un exemple. Donc il siffle toutes les fautes qui passent. Ah oh bah c'est bien. Mais non, oui, mais c'est toutes bien. Les fautes qui passent, il les siffle. Mais oui, bon là là. Comme ça vous aurez plus de mérite c'est à gagner. Ça, ouais. Ouais. Bon allez, on va revenir dans quelques instants et puis je vous rappelle, il y a la vidéo de Phoenix aussi qui était passée hier dispo sur amical.fm. On a la vidéo aussi des ça fait elle était hier soir à la fin de l'émission. Des coups de poing qu'on s'est mis dans le bras Toff, Roux et moi, c'était avant-hier soir, photos et vidéos à mater sur amical.fm. Pour la journée mondiale contre la douleur. Exactement. Ouais. Allez, on revient dans un instant avec le jeu des amis. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Attachez vos ceintures. Si les naufragés de Lost devaient écouter une seule émission de radio. Putain, 25 secondes pour parler ou j'appuie sur la gâchette, mon pote. Y a pas de doute. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de paumés. Mickaël. 21h minuit. 21h minuit. Les naufragés des ondes. Bon, on est là tous les soirs entre 21h et minuit sur Énergie. Les messages qui tombent aussi au 612, débuté par M-I-K-L. Si vous voulez nous écrire, hein, y a pas de problème. Vous laissez votre numéro et puis nous on vous rappelle. On met un jeu, on met en jeu aussi tout à l'heure dans le Chéri, je t'ai fait cocu ou le J'avais un écran plat. Donc si vous voulez jouer avec nous, 612, débutez le message par M-I-K-L, puis vous mettez cocu ou J'avais et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler et surtout pour que vous puissiez choper l'écran plat LCD. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire ? On va jouer aussi dans quelques instants au jeu des amis. Et avant ça, à la question, que faites-vous après l'amour ? Un tiers des moins de 35 ans avouent se connecter à Facebook ou Twitter immédiatement après avoir fait l'amour. Et les mecs seraient deux fois plus nombreux que les femmes à parler de leurs exploits sexuels sur ce genre de site. Ouais. J'aime bien les gens qui mettent le petit truc « Ah, je viens de faire l'amour ». Ah ouais, mais comment tu sais, t'as pas Facebook? Non, j'ai pas Facebook. Tiens, c'est bizarre. Je sais beaucoup de choses sur Facebook. Ouais, t'as un compte sous-marin. Non, je n'ai pas de compte Facebook. Tu peux mettre ça en statut? À éjaculer? Oui. Ouais, tu peux mettre ce que tu veux, je viens de me faire déglinguer comme une chienne. Ah ouais, d'accord, ok, très bien, parfait. Voilà, mais non, je n'ai pas de Facebook. Mais t'as un compte sous-marin? Non. Si, tu vas t'appeler Jean-Jacques le pervers. Jean-Jacques le pervers. Je te jure, je n'ai pas de compte Facebook. C'est ça, on te croit tous. Hein. Ouais. On va fouiller. Bah, vous pouvez fouiller, vous pouvez essayer avec toutes les adresses de la Terre. Tout se sait un jour, et s'il y a un compte Facebook, on le saura. Ben, vous le saurez. Mais bah, très bien, pas. Parfait. Mais il a tout, hein. Il a un compte Facebook, un Twitter, Mythique. Il est inscrit sur Mythique. Exactement. Il est partout, lui. Mythique, c'est devenu trop cher. Il y en a des bien mieux qui coûtent moins cher. Ah, tu vois, là-dessus, il t'a signé aussi. Ah, bah, t'inquiète pas, il le sait. Lui. Ouais. Quel? Il a pas le droit, t'en as pas le droit, je crois. De quoi? Je peux pas dire sur quel. Ah oui, tu veux pas faire de pub. Voilà, je ne veux pas faire de pub. Ouais, ouais, c'est ça mon cul. Ouais. Bon, les gars, ça va quand même? Non, pour vous, pour le travail, ça va bien. Ça va, Tex. T'as un Facebook, Tex, toi ou pas? Oui. Ah, très bien. On te demande pas quelle adresse? Non. Non. Non. Bon, d'accord, ok. C'est bien, ça fait plaisir de partager. Je peux être ton ami ou pas? Oui. Ah, très bien. Par contre, j'aurais besoin de ton nom, donc il va falloir me le donner. Oui. Très bien. Bon, oh bah laisse tomber. Bon, il y a Antoine qui est là maintenant pour jouer au jeu des amis. Salut Antoine. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment salut, ça va? Bah ça va bien et vous? Bon, ça va, ouais. Tiens, il y a Lisée sur le chat qui dit Toff s'est coupé la barbe. Oui, bah, légèrement. C'est bon, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, mais légèrement, ouais. Plus que les cheveux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, quand les cheveux? Je me motive. Je me motive là. Mais franchement, ça te va mieux hein, sans les cheveux longs. Je me motive. J'ai failli y aller. Mais il est con parce que ça lui va bien la barbe plus grande, mais ça lui va pas les cheveux longs. Et il a fait l'inverse, abruti. Il a rasé la barbe et il a laissé les cheveux longs. Je vais y penser. Ah, ça se travaille d'être laid. Hein. Oh, et c'est un métier. Ça se cultive. Qu'est-ce qu'il y a, Tex? Oh là là. Ah ouais, bah enfin bon, t'as déjà dit oh là là. Bon, Antoine, on va jouer au jeu des amis maintenant. Est-ce que tu as un Facebook, toi, justement? Oui, j'ai un Facebook. D'accord, attends, juste un détail. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Quoi? Quelle blague? Micha, un stagiaire. Bah oui. Bah oui, Micha, un assistant, ça fait deux jours. Hein. Bah oui, mais il travaille pas. Bah oui. Il est pas le stagiaire, hein, Micha. Il est là pour me soulager. Pour te masturber, c'est ça? Oui, parce que Quentin Micha me disait qu'il avait beaucoup de pression. Ouais, ça va. Pour me soulager dans ma tâche. Arrête! Mais ta tâche de quoi? Mais j'ai tellement à faire, répondre au téléphone, aller par-ci, par-là, chercher un café, c'est compliqué. Putain, mais t'appelles ta mère tous les soirs là. Et oh, laisse ma mère tranquille. Ouais, bah oui, bah je peux pas, j'aurais du mal à pas la laisser tranquille à l'autre bout du monde. Voilà. Ah bon? Tout ça au frais de la radio. Et en Afrique, ouais, ça coûte pas cher. Putain, ouais, ça coûte pas cher, oui, ça forcément t'appelles de la radio. D'ailleurs, je tiens à préciser à Jean-Paul, le très très grand patron, qu'il vérifie les notes le soir. Beaucoup d'appels en Afrique. Oui. Et en plus, Micha fume. Et oui, en plus. Je le rappelle. Exactement. Je tiens. Ça pèse dans la balance. Il déteste la clope. Exactement. J'ai appris ça il y a peu et je suis donc j'ai bien. Bien m'en servir. J'ai un point commun avec lui, donc il y a. Après ça, il y a pas longtemps. Oui, bah, je savais qu'il n'aimait pas, mais à ce point-là. Donc... C'est pour ça qu'il n'y a pas de briquet énergie. Exactement, exemple. Mais c'est très très bien. C'est très très bien, j'aurais dû passer derrière pour tous les détruire, ça m'aurait pris pas mal de temps. Par contre, le roux a fait les économies. Non, non, non. Ah, le roux moi, j'ai arrêté de fumer. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai bien longtemps. C'est dans ton dossier, ne t'inquiète pas. Ouais. Bon, allez, Antoine, merde, j'ai perdu un bout de la chaise, c'est pas oui. Moi, hein. Le truc est tombé. Un bout de la chaise, tu viens de perdre 500 euros. Merde. Attends. Combien coûte cette chaise déjà ? Tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème, c'est réparé. Bon Antoine, on va jouer au jeu des amis, on va donc appeler un pote à toi. Alors une seconde, je suis désolé de faire encore une parenthèse. Oui, c'est pas depuis que Micha a un stagiaire, il est donc censé l'aider, l'épauler. Regarde maintenant la feuille que j'ai avec les réponses. Oh, c'est rempli, c'est barré. Ah, c'est écrit à la main, c'est en peinture rupestre. Ouais, c'est écrit à la main avec des V, des. Hey, t'as des mis stylo sur tes pieds pour écrire. Non, mais retour au manuscrit. Pendant qu'il mange, en fait, c'est comme ça, il écrit avec son pied. Quel naze. Non, j'ai fait aux toilettes, en fait. C'est ça, oh là là. Bon, Antoine, on va donc appeler un pote à toi. Alors, il y a qui ? Marie, Paul ou Eric ? Qui ça ? Eric. Eric, très bien. Allez, on appelons Marie. Hop là, on y va. On va vérifier si elle te connaît bien. Il faut qu'elle réponde à 10 questions. Et enfin, il faudrait surtout qu'elle réponde 6 bonnes réponses aux 10 questions qu'on pose. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Oui. Allô, Marie ? Allô ? Ah oui, allô, Marie ? Oui. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Je te dérange pas ? Non, ça va, non, bon. Non, ça me fait plaisir de t'avoir. J'ai gagné un cadeau ? Non, bah pas encore. Je t'appelle avec Antoine pour le jeu des amis. Tu connais Antoine ? Oui, je connais Antoine, oui. Très bien. Bon, eh ben, je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds bien à au moins 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. D'accord ? Ok. Ok, allez, c'est parti. Il faut répondre du tac au tac, bien sûr. Si tu sais pas, tu passes. Ce sera donc considéré comme une mauvaise réponse. Ok ? D'accord. Allez, top, c'est parti. Première question. Quelle est son insulte préférée ? Enculé ? Non, petit con. Quel métier est-ce qu'il aimerait faire plus tard, dans l'absolu donc ? La question c'est quoi ? Quel métier voudrait-il faire plus tard dans l'absolu ? Animateur radio. Oui, bonne réponse. S'il était un objet, il serait quoi ? Une PS3. Eh oui, plus vite. S'il était un vêtement, il serait quoi ? Un gilet. Non, un string. Ah oui, mignon, un string. Ah, donc t'aimerais bien Antoine être dans l'arrêt du cul ? Ouais, bah ouais, c'est pas mal. C'est le meilleur endroit, hein. C'est là que t'as la sueur à l'odeur. Oh, oh. Okay. Oui, mais enfin bon, c'est que tu veux être Antoine, alors fais pas. Oh. Bon, très bien, allez. Question suivante. Si. Une petite plus simple quand même. Hein. S'il devait se faire un nouveau tatouage, où est-ce qu'il le ferait ? Et qu'est-ce qu'il ferait ? Sur le torse ? Oui, effectivement, un dragon sur le torse. Quel est son signe astrologique chinois ? Oh, ouais, je sais pas. Le singe, eh oui. Oh, oui. S'il était une position sexuelle du Kama Sutra, laquelle est-ce qu'il serait ? 29. Non, la cacahuète. Oui, alors, qu'est-ce que c'est la cacahuète, Antoine ? Non, mais Micha, il a dit une position imaginaire. Oui, oui, donc il a le droit d'inventer une position. Oui. Ah ouais, mais moi, dans la question, c'était pas dit imaginaire. Ouais, si. Voilà. Non, c'est vrai, sinon, je n'ai pas dit. Sinon, j'aurais dit 69, sinon c'était 60... pas imaginaire. Ok, allez, j'enlève la mauvaise réponse, passons, mais ça me dit pas ce que c'est la cacahuète. Bah, je ne sais pas non plus, parce que c'est imaginaire. Alors j'ai. Bah oui, mais j'ai voulu, c'est comment j'ai voulu tu... inventer. Non, mais c'est quoi ? Dans quelle position ? C'est quoi la position ? Tu peux pas nous l'expliquer un peu, là, cette imagination ? Bah, on va dire que j'ai pensé à un singe, et vu que les singes s'apprennent par derrière, bah voilà quoi. Et oui, donc, on est venu à la cacahuète. D'accord. D'où l'expression péter voilà, la cacahuète. Bon, voilà, ben, très je vais bien. Péter la cacahuète. Ok, ok. Allez, question suivante. Est-ce qu'il préfère avoir un bras en mousse ou une jambe d'un kilomètre de long ? Un bras en mousse. Oui, bonne réponse. Comme quoi, tout arrive. Mais où est donc Ornicard ? Mais quoi, car ? Mais où est donc Ornicard ? Le dernier car, je crois. Oui, car, effectivement, car. C'est une bonne réponse. Sans un car. Mais oui, enfin, juste dit car, mais enfin bon, c'est ce qui a marqué sur la feuille, c'est bon. Est-ce qu'il lui arrive c'est de regarder chelou, la cuvette ouais, des bah, chiottes avant d'avoir tiré la chasse ? Oui. Oui, bonne réponse. Comme tous les mecs. Ouais, oh. Pas forcément. Bon, qu'est-ce qu'il a dit encore ? Une petite dernière. Quelle est la chose la plus ignoble qu'il ait mangée ? Une fourmi ! Eh non, et la dernière question pour départager, 5 bonnes, 5 mauvaises réponses. S'il était une loi existante ou pas, laquelle est-ce qu'il serait ? Autant dire que c'est mal barré. Une quoi ? Une loi. Anti-téléchargement. Je sais. Anti-téléchargement. La réponse, c'est autoriser le téléchargement. Ah, oh, ça va. Non, c'est le contraire. Enfin, si, alors, anti-téléchargement, ça veut dire ne pas télécharger. Et pour le téléchargement, ça veut dire pour télécharger. Oui. Ah oui. De toute façon, ils ont triché, donc. Hey. Oui, c'est vrai, il y a eu de la triche, à mon avis. Eh ouais. Ça, on n'en sait rien. Mais pour la peine, effectivement, ça fait 5-5, là. 5 bonnes, 5 mauvaises réponses. Ah. C'est dommage. Ah ouais. Ah, tu peux faire une subsidiaire. Non. Encore. Ah, franchement, là. Ah bah ouais, mais Antoine, une petite subsidiaire. Si tu dis que t'es pour le shit et qu'elle te dit que c'est contre le shit, bah à Micha, j'avais dit que c'était anti-téléchargement, mais j'expliquais comment en fait. Hein. Là, t'as dit autoriser le téléchargement, mais anti-téléchargement, c'est pas pareil. C'est ambigu, mais il y a 5-5, donc du coup, c'est un peu problématique. Donc pose la question subsidiaire. Ah, c'est déjà la subsidiaire là. Bah, allez, on en fait une, C'était déjà. Bon, ok, d'accord. T'as cherché, attends, une petite dernière. On va prendre la pire. Non. Attends. On vous laisse une seconde chance. Mais déjà, on est gentil parce qu'à la question mais où est donc Ornicard, ils ont tous les deux répondu car. Ça veut rien dire. Non. Lui avait dit dans le car. Ouais, mais même. C'est chelou de savoir ça. Voilà. Attends. Quelle est celle que j'ai pas encore posée? Raconte-moi son dernier rêve. Son dernier rêve? Oui, qu'est-ce qu'il faisait dans son dernier rêve? Il fait l'amour, c'est sûr. Alors là, s'il n'y a pas de la triche. C'est ça ou pas? Non, mais il a fait les gagner, mais ils ont triché, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein. Il faisait l'amour avec sa meuf. C'est gagné! Elle a dit son dernier rêve. Il fait l'amour, j'en suis sûr. Mm-hmm. Pas logique. Ouais. Bon, vous avez triché ou pas? Si vous êtes honnête, vous gagnez des cadeaux quand même. Non, franchement, sérieux, c'était pas ça du tout. Parce que à la base, je voulais appeler mon cousin, donc. Oui, mais non, enfin, mais avec Antoine, on se parle tous les jours et voilà. Ouais, quoi. Vous parlez souvent sur MSN le soir, non? franchement, elle était même pas prévenue sur ce coup-là. Sur ce coup-là, ouais. Bon, allez. Dormir. Ouais, de toute façon, sans branle, c'est pas le cadeau. Non, mais c'est pas grave s'ils peuvent gagner des cadeaux, de toute façon. Bon, qui n'aurait pas essayé de tricher? Mais Antoine et Marie, passez une bonne soirée tous les deux. Je vous renvoie chez Michel au standard. Merci. Salut à vous, à bientôt. Oui, en fait, les gars. Ouais, Antoine. Je peux passer vite fait ma dédicace? Allez, vas-y. C'est pour dire que j'aimais très fort l'INSEE et que je lui demandais pardon et si elle voulait bien continuer notre histoire d'amour pour le restant de nos jours. Ah, c'est pour ça que t'es arrivé et que tu te la faisais hier. Qu'est-ce que tu lui as fait? Bah, il l'a trompé. Ah non, mais non, je l'ai pas trompé. Non, mais on s'est pris la tête parce qu'en fait, je suis trop un gamin et. Ah voilà. Ouais, mais ça n'aura pas changé d'un jour à l'autre. Hein. Ah, je sais pas. Faut faire un effort. Bon, bah oui, bah faut faire l'effort, hein, écoute. Bah ouais. Bon, allez, bah voilà, le message est passé, Antoine. Merci. Salut à toi. Ciao à toi, Antoine. Continuez, vous êtes génial. C'est gentil, Antoine. Bye bye. T'es quand même culotté, Sandro, hein, de critiquer les gens. Oui. Alors, c'est vrai. Oui. Putain. C'est quand même c'est l'hôpital qui fait la charité. Hein. Mais non, mais j'ai dit qu'ils ne tricheraient pas à leur place. Qui n'essaieraient pas de tricher. J'ai moi. Surtout. C'est ça. Bon, allez, on parlera de l'alcool dans quelques instants. Et si vous voulez, vous aussi jouer au jeu des amis, n'hésitez pas. 612, débuté par Mickaël, puis vous mettez ami et votre numéro de téléphone. Au paquet de rêves, les gants, tout au bain. Voilà, c'est du portugais. Bon, et dans un instant, on va se faire péter le son des PZK. Les filles adorent. Bouge pas. Sandro va déguster son sushi coco Nutella. C'est moins fort dans le bouc que l'odeur. Au pire, ça va vous désinfecter. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà le son des PZK à l'instant sur Énergie, les filles adorent. On mettra tout à l'heure le son de Pitbull aussi. Il y aura le son de Green Day, dernier en date avec 21 Guns. Et puis Beyoncé dont on a parlé tout à l'heure avec Sweet Dreams. Et puis petit son US aussi comme tous les soirs, bien sûr, vers 11h15 après le mag et vers minuit 15, juste avant The POL Show. Petite question, on parlait de musique justement. Est-ce qu'il y en a de vous qui regarde l'Eurovision? Surtout pas, non. Ça arrive. Non. Vraiment rien à voir à foutre. Hein. Bon, si vous deviez choisir un artiste pour représenter la France, vous vous prendriez Michael Jackson. Mais il est un peu mort. Hein. Ouais. Bah non, pour moi, il est pas mort. Roux? Domenech. Ouais. Non, je dirais Jean Sarkozy. C'est tout aussi Sarkozy, drôle que Domenech. Hein. C'est vrai. Et toi, Jack? Je dirais Borloo, parce que ça rime avec baguette, camembert et deux chevaux. Ouais, d'accord. Et toi, Toff? Katsuni. Oui, mais enfin, elle chante pas. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle suce? Et toi, Mike, tu choisirais qui? Bah, moi, je peux me permettre de donner mon avis, là. Je risquerais d'influencer les votes des MTV Awards. Non, mais c'est vrai. Oh là là, c'est vrai. Non, si je vous dis ça, c'est parce que, il va y avoir les MTV Europe Music Awards. Une cérémonie, donc, où une vingtaine d'artistes vont représenter leur pays. Alors, ce sont les internautes, en fait, hein, qui votent. Et donc, les Français ont donc voté et plusieurs noms sont ressortis. Et il y a qui? est un artiste surnommé la folasse stéphanoise alias Slimy. Ah. Le Mika French Connection. Voilà, c'est ça. Donc voilà, pour représenter la France au MTV Europe Music Awards, les Français ont également voté en masse pour celle que j'ai confondue avec Damido hein, quand elle a chanté La Femme Chocolat, Olivia Ruiz. Oh, j'ai l'impression d'être un vrai animateur des MTV Awards. Bon, et puis le nom de ROH2F, Rof, est sans ressorti également. Il était pas terrible celui-là. Bon. Et forcément, le français qui commence à peser le plus en France et aux États-Unis, il se déplace en jet privé pour être le même soir à Ibiza et à Rio. David Guetta. Bah, donc là, les gens, ils vont devoir voter pour tous ces mecs-là. Ouais. En gros. Qu'est-ce qu'il y a sans drogue, Stanley? Ils vont devoir voter pour tous ces mecs-là, en fait. Ah non, pas du tout. Non. Ah. T'as dit oui, là? Oui, c'est pour ça. Ah moi, non, j'allais je n'ai pas du tout écouté ce que tu m'as voter, dit. Quoi, direct. Mais répétez deux fois la question quand vous voyez que je suis en train de regarder dans le ciel. Hein. En fait, il n'a pas écouté ce que tu as dit. Tu as dit oui pour faire la lumière. Non. Donc, justement, tous ces artistes ne représenteront pas la France. Donc, à votre avis, qui est-ce? Oh, un mec, alors, genre Charles Aznavour, non, Olivier Gloire à la con. MTV Europe Music Awards. Ouais, pas les Nostalgie Music Awards. Voilà, c'est ça. Bon, alors. Bah, alors là, je sais pas. Ouais, je sais pas. Allez, petit indice. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air comme. Eh ouais. Aurel-son. Exactement. On n'aurait jamais pensé à elle. Ouais. Attends, pour représenter la langue française, y a pas mieux. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. T'es juste une truc, tu mérites ta place à la patoire. Attends, mais c'est validé et tout ce truc-là. Ouais, les internautes ont voté. Ah, et donc Aurel-son ouais, est arrivé devant Rof, Guetta, Slimy et Olivia Ruiz. Oh là là, voilà. ils vont faire la gueule au-dessus. Hein. Est-ce que Olivia Ruiz aurait été sélectionnée si La Femme au Chocolat était une pute? Ah, bah ça, je sais pas. Bon, et puisque les extraits d'Aurel-son que vous entendez viennent du titre, bien entendu, sale pute. Hein. Je t'aimais, mais tu m'as trompé. T'as mon coquin comme tout pété, tu l'as trompé. T'es une sale pute, une sale pute, voilà. Une sale pute, une sale pute, une sale pute. Il va vraiment représenter avec ce morceau je sais pas. Donc le mieux c'est. Je pense pas. Ouais, le mieux c'est de lui demander en fait. Hein. Parce que sinon sur mon blog, moi j'avais déjà mis Saint-Valentin qui est très très bien aussi. Ah, Aurel-son, c'est pas mal aussi. Bon, attends, le mieux c'est de lui demander comment ça va, Aurel-son. Ça va, tranquille, ouais. Bon, t'es au Stade de France là, on va pas te faire chier trop longtemps. En plus, c'est la mi-temps donc ça tombe très très bien. Donc, c'est mieux que quand déjà. Donc, ouais. Donc tu vas représenter la France avec le morceau Sale Pute? Non, pas du tout. Ah. C'est un morceau qui est pas sur mon album et que je ne pense pas que j'ai été élu pour ce morceau-là. j'ai d'autres morceaux qui sont plus calibrés pour représenter la France. Ah, d'accord. Genre, le titre, tu peux nous le donner ou pas? En ce moment, il y a Peur de l'échec, qui est mon dernier single. Il y a Soirée ratée aussi. D'accord. Après, je sais pas, les gens ont plus voté pour un artiste que pour un morceau, en fait. Ah, je sais pas, ouais. C'est toi qui super fort. Soirée ratée, il est super fort. C'est toi qui choisis le morceau? Ouais. Ah bon. En fait, le truc, c'est que j'ai été élu parmi les 5 artistes qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et là, en fait, je suis en compétition avec 20 autres artistes européens que je ne connais pas tous. Il y a des Italiens, des Turcs, des Russes, etc. Et en fait, il n'y a que le premier, celui qui gagne cette catégorie-là, qui fait un morceau en live sur MTV. D'accord, ok. Ah ouais, donc, t'as une chance sur 20 seulement de passer sur MTV. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Bon, c'est déjà pas mal parce que. Le premier qui assiste à la cérémonie. Et le premier qui chante en live pendant le MTV Awards. D'accord. Et ça fait quoi de passer devant Guetta, Rof, par exemple? Franchement, c'est mortel. Moi, je pensais pas du tout que j'allais gagner. Ça doit être grâce au fait que j'ai commencé mon buzz sur Internet, etc. Je pense que mon public s'est bien mobilisé pour avoir écouté. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est cool. Alors, je considère pas vraiment être passé devant, mais je considère juste avoir eu plus de votes que, quoi. Oui, bah c'est clair en fait au final. Hein. Et donc le prochain morceau c'était quoi encore? Enculé de ta race. Non. j'ai des morceaux qui parlent d'autres choses que ceux qu'on a pu voir sur Internet. Ces morceaux-là, ils sont même pas sur l'album. C'est des vieux albums. C'est ça. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que tes morceaux les plus trash, enfin on va dire les moins représentatifs et controversés, c'est ceux qui sont sur le net, pas ceux qui sont sur l'album. Voilà, c'est ça, c'est ceux que j'ai sortis en vidéo, voilà. En fait. Je ne te cache pas, je préfère ceux qui sont sur Internet que ceux qui sont sur l'album. Hein, c'est un avis très personnel. C'est clair. En fait, je trouvais que les morceaux d'Internet, ils convenaient plus à Internet. Et les autres morceaux, c'est des morceaux plus récents, ouais, qui conviennent plus à écouter dans la voiture, écouter, etc. Non, pourtant, moi, j'écouterais bien ça si j'en avais, tu sais, avec mon fils. Non, mais ouais. Je vais le déposer à l'école sale. Mon préféré sur l'album, c'est l'histoire, j'oublie le titre. Gros poisson dans une petite mare. Gros poisson dans une petite mare. Voilà, ouais. C'est voilà, pour moi c'est mon préféré. Ça raconte quoi? Là, là, je vois l'image là. C'est, ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir en fait. Explique ce que c'est toi, parce que moi je vais encore dire de la merde. Donc, oui, ça c'est sûr. Ouais. En fait, gros poisson dans une petite mare, ça parle de. C'est le tableau de différentes personnes en fait. Pour moi, un gros poisson dans une petite mare, c'est quelqu'un qui veut peser à mort, mais dans un environnement de merde. C'est-à-dire le boss de la boîte de nuit, c'est-à-dire la plus bonne meuf. La plus bonne meuf du village. Ouais, c'est pour ça que c'est plus à toffe. Ouais. Ouais, genre un gros caïd à Caen, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais je dis pas ça pour gros, toi. C'est ça. Exactement. Ouais. Bon, bah, très bien. En gros, tiens. C'est ça, c'est le manager local. Et toi qui es en direct du stade, à ton avis, ça va se finir comment le match après ce pénalty volé par les Français? Ah ouais, il était bien volé le pénalty. Ça, c'est clair. Je vois bien un petit 3-4-0. Hein. Les Autrichiens, ils sont quand même pas très forts. Ouais, mais en même temps, ils savent que c'est un match qui sert à rien. Donc bon, au final. Ouais, c'est ça. On sent qu'il n'y a pas une grande volonté de vaincre. C'est peut-être pour ça que la France gagne. Hein. Est-ce que tu ferais pas un morceau sur Steve Savidan? C'est dommage, il a arrêté le foot. Non, mais Savidan. Justement. C'est un mec un peu loser qui est passé par Caen. À la gloire du stade Malherbe. Mais il jouait bien Savidan. Il faut pas cracher sur Savidan, c'était un bon joueur. Oh, oui, c'est vrai. Justement. Tiens, Aurelson. Oui. Ah, ça va recommencer, on va pas tarder à te laisser là. Juste une question, il faudrait que tu passes un de ces quatre à la radio pour faire un jingle pour le Polo Show. Polo Show, c'est une sale pute. Ça peut être très drôle. Bon, si tu passes à l'occasion, en tout cas, n'hésite pas, tu es bienvenu. Ok, moi je suis là, même si vous voulez passer mes morceaux, il n'y a pas de problème. Oui, écoute, si tu passes, tu le feras en live. Ouais. Eh bah très bien, faisons ça alors, pas de soucis. Bon, Aurelson, je te repasse Michel au standard. Bon match. Ok, merci beaucoup. A plus, et bonne chance pour les MTV Awards. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Ciao à toi, bye bye. Bon, on va voir si il va représenter. Mais oui. Bon, au moins dans les 5 premiers. Il y en a quand même 20 là, devant. Hein. 21, ouais. Je crois. Mais attention, il y en a 20. Et attention, il y a aussi du Rital, il y a des trucs aussi improbables. Hein, donc bon, il n'y a pas de raison. Ouais, mais c'est MTV Europe Music Award, tu vois, c'est pas l'Eurovision. Donc il y a peut-être des morceaux qui sont plus sympas. Ouais, mais enfin, l'Eurovision, je pense pas qu'il aurait été pris. Hein. Ouais, mais non, je pense pas. Non. L'Eurovision, mec, avec que des vieux qui regardent le truc, t'es une sale pub. Oh là là, laisse tomber. Comme les gens comprennent pas et qu'il a des bons instrus, ça peut passer. Hein. Comprennent pas. Oui, les étrangers, tu parles. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Comme tu vois, c'est tous les Européens qui votent. Ouais, non, c'est vrai, effectivement. Bon, enfin bon. Bon, avant de passer au piscine dans Merkalov, il y a Audrey qui est là, 32 années. Allô, Audrey, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, Audrey. Tu voulais réagir, toi, par rapport à l'alcool. Donc, c'était l'étude anglaise là qui avait interrogé 10 000 jeunes Anglais de 15 et 16 ans pour savoir si, par rapport à l'alcool, en gros, hein, et puis en gros, pour aussi terminer sur le fait que il serait judicieux d'écoler. Ouais. D'apprendre, d'inculquer aux enfants de 15 à 16 ans de boire avec leurs parents une fois par semaine pour qu'ils boivent, ok, mais de manière. Pas à se rouler sous la table quand même. Ouais, pas être bourré. Pas exagéré. Exactement. Alors toi, tu as 32 balais donc, hein, tu es maman? Oui, de deux enfants. Ah, quand même, déjà, hein, dites donc, hein, on perd pas de temps. Ouais. Ah non, pas du tout. Quel âge ils ont? Le plus grand va avoir 7 ans et la plus petite a 18 mois. Oh, oui, d'accord, pas encore, hein, faut pas encore leur apprendre tout de suite. Enfin, celui de 7 ans, mais faut voir. Non. Dans le biberon. La vodka ça, dans le biberon. Ça vient vite quand même, ça pousse vite ce petit machin-là. Alors, oui. Alors toi, t'es pour ou t'es contre? Je suis plutôt contre. Je suis pour l'apprentissage, mais pas pour leur donner un whisky coca en guise d'apéro. Non, vodka Red Bull, quoi. Oui, carrément. Non, je suis plutôt maman qui explique beaucoup les choses et qui dit attention, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ça puis, c'est de l'alcool. Quand maman était plus jeune, elle en buvait 25 et elle était torchée par terre. C'est ça. Maman, elle a pas trop été trop bourrée, elle a été bourrée juste une seule fois, une grosse cuite, et j'ai compris. Et donc je suis pas spécialement pour l'alcool. Je pense qu'on peut faire les choses bien, on peut passer des bonnes soirées, tout ça, sans être bourré. Bah oui, le shit. C'est le shit, oui, tout le monde a fumé, moi-même j'ai fumé et je m'en cache pas. Voilà. Mais est-ce que tu le diras à tes enfants? Oui, c'est ça. Bien sûr que je le dirai à mon oui, maman. Maman fumait des gros joints de 10 cm. Hein. Les trois feuilles et tout, vas-y. Non, mais bon. voilà, c'est... C'est quoi les feuilles marron là, les grosses là? Des blunts. Mais voilà, je sais que déjà je fume, donc même mon fils quand il me dit maman moi je fumerai plus tard, non, hors de question. Ça c'est bien la remarque des fumeurs. C'est ça c'est voilà. Bien. Non, mais regarde, moi je fume, mais toi il ne faut pas que tu le fasses. Bah alors montre pas l'exemple. C'est il me dit mais alors pourquoi toi tu fumes? C'est vrai que je sais pas trop quoi lui répondre. Bah parce que maman est bête. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, il faut lui dire que maman c'est pas la plus intelligente du monde. Voilà. C'est faux tout ça, c'est pas vrai. Je pense qu'il faut que tu dises la vérité à ton enfant. Maman, tu es une droguée. Maman est complètement idiote. Maman est droguée, mais il ne faut pas que son fils le soit parce que ce n'est pas bien. Et voilà. Il va dire ouais, bah je m'en fous. Hein. Non, mais de là à lui dire à 15 ans, bah viens mon chéri, on va se boire un apéro pour te montrer les méfaits de l'alcool. Non, je suis pas. Montrer les méfaits, c'est pour qu'il s'apprivoise au fait que l'alcool, ça se boit avec modération. Oui, merci Roux. Oui, ah, mais c'est vrai. Oui. Quelle information. C'est dangereux. Mais t'as pas compris. On t'a pas dit de lui péter le crâne à 15 ans. Pardon. Il y a les coachs du Roux qui sont là pour le masser actuellement. Hein. Non, mais quand on comprend pas, c'est bien de replacer. C'est vrai. Ouais. Donc on avait compris que toi t'étais contre. Hein. Bah plutôt oui. Plutôt. D'accord. Très bien. Mais voilà. C'est ton choix, il y a pas de problème. On aura Sylvain aussi dans quelques instants qui donnera son avis. Audrey, je te remercie, je te fais des gros bisous. Bah merci vous aussi, passez une bonne soirée. Et tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci, merci allez, beaucoup. Allez, je t'embrasse. Ciao à merci, toi, gros bisous, Audrey. Bye bye. Bon, allez, mesdames et messieurs, gros mercredi ciné aujourd'hui avec notamment la sortie de plusieurs films français qui bénéficient d'une bonne critique. Parmi ceux-là, Mademoiselle Chambon. Oui, je sais pas ce qu'elle chez la V, chez Chat. Hein. C'est Mademoiselle Chambon. Oh là là. Gros niveau, toi. Oh là là. Mais enfin, bon, c'est moi, pas ça, non. Trouvez Chat drôle. C'est ça. Bon, je vous fais le pitch rapide. Hein. Vincent Ladon et Masson. Et portugais, c'est ça. Oh, c'est ça, tais-toi un peu. Oh, c'est bon, il bosse dur donc pour que sa famille ne manque de rien. Il aime sa femme, son fils et prend même soin de son vieux père jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de l'institutrice de son gamin, Mademoiselle Chambon. Waouh, on va s'éclater, dis-moi. Ouais. Bon, j'avoue, ça a pas l'air forcément emballant, mais bon, il paraît que le film est très beau et surtout pour les fans de Closer ou Voici, c'est l'occasion de voir Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin jouer les amoureux quelques années après leur séparation. Voilà, là, tu m'intéresses. En gros, c'est comme si Nicolas Sarkozy et Cécile se retrouvaient à l'écran, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, ça marche pas avec Carla. Hein. Ouais, comment ça? Bah, si Carla Bruni devait retrouver ses ex à l'écran, faudrait l'agrandir parce que le 16/9, c'est suffit pas. Donc voilà pour Mademoiselle Chambon. Donc. Par contre, on ne sait toujours pas pourquoi elle Chambon. Oh là là, on peut pas se séparer de lui là. Ouais, ça ne fait pas rire ça. Bon, tiens, en parlant de séparation, en salle aujourd'hui aussi, Divorce avec François-Xavier de Maison. Divorce. L'histoire d'un couple d'avocats spécialistes en divorce qui vont finir par eux-mêmes se tromper. Ils vont se faire la guerre et donc divorcer. Ouais. Alors celui-là, tu vois, tu vas pas avec des pot-corn. Hein. Prozac direct, 3 boîtes. Ah, c'est le genre de film, tu vas le voir juste parce que les émissions de la rue, ça te manque. Et pourtant c'est une comédie hein. Ouais, c'est une comédie mais française. Oui, c'est vrai. Bon, on enchaîne avec le dernier Junio, Rose et Noir, dans lequel il donne son premier grand rôle à son amoureuse Saïda Jawad. Ah ouais, voilà. Donc maintenant après les fils d'eux, on va avoir droit aux meufs d'eux. OK, bah moi je vais aller j'ai été le voisin de Katsuni, ouais. Ça veut dire que je peux faire des films porno. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est juste une illusion par contre. Katsuni. Se planquer en face de chez Katsuni pour l'avoir sorti de chez elle, ça fait pas de toi son voisin, juste un pervers. Bon allez, on en revient au film de Gérard Jugnot, donc Rose et Noir. Surprise aujourd'hui, on a les premiers chiffres du box-office et il s'est fait battre par Mission G. Mission G. Ouais, Mission G, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, si vous permettez, ouais. j'ai vu le film Mission G et je suis mitigé. Hein. Oh là là. Ok. Bah, tu vois la teuf, je sais pas si c'est très subtil ou très mauvais. Ah, très mauvais. Très mauvais hein, voilà. Bon, les Mexicains, Polo Pedro, là, vous voulez pas, je sais pas, un peu relever le débat? Ça va être pire, mais bon. On t'entend mal, Polo. J'ai un petit. Ah oui, voilà. On m'a coupé le micro. Ouais, non, ouais, c'est toi qui l'allume pas. Bah, s'il est allumé. Bon, bref, donc, est-ce qu'on peut relever le débat? Non, relever le débat, je sais pas, mais faire fermer sa gueule à teuf, ça, on peut lui faire. Ah, bah voilà. Bon allez, laissez tomber, on a tout essayé, hein. ça marche pas. Bon alors, ça va, vous avez bien travaillé, nouveau ouais. Cuisiné. Ouais, on a bossé dur, on a vu plein de films, des centaines, on a parcouru les salles du monde entier, on a rencontré des acteurs, des actrices. Et des scénaristes, des réalisateurs, on a aussi vu Jean Sarkozy qui nous a parlé de son prochain film. Et d'ailleurs, il va recevoir son Oscar après-demain. Ah. Et alors que le film n'est pas sorti. Ouais. Vous avez pu faire un choix? Oui. finalement, on s'est arrêté sur Mission G. Ah, très bien, le film dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un dessin animé pour les enfants, c'est ça? Non, c'est un film, mais c'est bien pour les enfants. C'est le seul qu'on a compris, en fait. Ah, très bien. Bon, bah, ok, d'accord, voilà, les gars, pas de problème. Hein. Bon, on va se faire le petit ciné. On a un petit extrait de film d'abord ou pas? Oui, on a un petit extrait de film d'abord à faire découvrir. Il y a des places de ciné pour aller mater Fame, entre autres, ou la BO de Fame, si vous avez une idée de quel est l'extrait de film. En train de gueuler à tue-tête, la tétex de cul. C'est pas du cul, c'est mexicain. Oh, excuse-moi, j'aimerais te sucer ton membre dans la mer avec une corde. Pardon. Appelle ça comme tu veux, pour moi c'est du cul. Carton jaune. Bon. Non, carton rouge. Si tu veux. C'était des indices. C'est la ah pardon. C'est la voix de Sandro. On dirait. On aurait dit. Ah, j'ai joué dedans, j'avais oublié. Bon. C'est sûrement bourré encore. Bon, si vous avez une idée, quel est le film 612, débutez le message par Mickaël, la réponse et votre numéro de téléphone. Et c'est parti maintenant pour un nouvel épisode du petit ciné de Los Mercados. Bonjour. Hey, bienvenue dans le petit ciné des Mexicains. Et ce soir, Pedro, on part ensemble explorer le point G. Non merci, Polo, tu touches pas à mon cul. Mais non, c'est le nouveau film de Disney, Mission Point G. Polo. Oui. C'est Mission G, c'est un dessin animé avec des cochons d'Inde. Je me disais aussi, c'était bizarre, un film porno en 3D fait par Disney. Oui, bah faut vraiment être con pour penser que Disney va faire un porno. Bon, t'as tes lunettes 3D? Bah oui, toujours, j'ai toujours une paire de lunettes sur moi. Alors tu les enfiles, et on y va. Wow, on est où là? Bah, je sais pas. Attends, je vais demander au barbu qui ressemble à un pervers sexuel avec une blouse blanche là. Bonjour monsieur, dites-moi, vous faites des trucs bizarres avec les animaux ici, non? Hein? Avouez. Voilà, peu de gens le savent, mais depuis la guerre de sécession, les animaux ont été utilisés pour le renseignement. Et nous nous concentrons sur le développement de la communication entre les humains et les animaux. Ouais, c'est ça. Mais c'est ignoble ce que vous faites avec ces espèces de rongeurs. Ne dites pas ça monsieur, ils sont très susceptibles. C'est un cochon d'Inde. Vous savez que leur ADN est identique au nôtre à 98,7%. Ah! Ah, je comprends mieux. C'est de là que ça devient cette tête de rat, Pedro. Bon, et c'est quoi ce truc là, ce bidule? C'est un décodeur vocal. Il permet aux animaux de parler aux humains. Et sans lui, ils s'exprimeraient comme des animaux normaux. Et avec ça, on va pouvoir parler avec les cobayes. Cochons d'Inde, ce sont des cochons d'Inde, Polo. Fais gaffe à ce que tu dis, tu vas nous les vexer. Ouais. Et donc avec votre truc, on peut parler avec les animaux? À vrai dire, parler aux animaux, c'est assez facile. Le plus compliqué, c'est de les faire répondre. Super. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir faire connaissance? C'est eux, là, dans cette pièce à côté? Chers amis, bienvenue dans la famille. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Ouais. Rassure-moi, Pedro, tu l'entends aussi le chinchilla? C'est un cochon d'Inde, Polo. Mais oui, je l'entends aussi. Alors ça veut dire qu'avec notre décodeur, on peut parler avec tous les animaux? T'es un vrai génie. Ouais, je sais, on me le dit souvent, ça vient de mon père. Polo, je crois qu'il se fout de ta gueule. Tu dis ça parce que t'es jaloux? Parce que personne te dit jamais que t'es un génie, hein? Tu devrais te poser la question, pourquoi c'est toujours à moi qu'on dit ce genre de choses, hein? Bon. Enfin, moi, je dis ça, c'est pour toi. Hein. Si tu avais encore un doute, je te confirme que tu es caramélisé de la cafetière. Bon, les gars, ok, c'est bon. Si on arrêtait de parler, là, vous êtes pas censés être des super agents secrets qui vont sauver le monde? Ouais, c'est ça, des James Bond à poil court. Bon, alors, on fait quoi, maintenant? Si tu as une idée, je suis tout ouïe. Non, mais c'est vous, les agents secrets, c'est à vous de nous dire. Non, franchissez pas cette ligne. Et pourquoi je pourrais pas passer cette ligne? Oh, putain, fais chier, merde. C'est quoi, ça? Polo, c'est quoi que t'as sur les mains? Bon, c'est bon, j'en ai marre de ces rats, là, je me casse du film. Ce sont des cochons d'Inde, Polo. Attends-moi. Polo, je peux te donner un conseil d'amis? Ouais, vas-y, même si on n'est pas des amis, vas-y, qu'est-ce que tu veux, Pedro? Va prendre une douche. Ça pue la merde de hamster. C'est de la merde de cochon d'Inde. Bah oui, faut pas confondre. Ah bah non, faut pas confondre. Petit ciné des Mexicains, donc à l'instant sur Mission G. Tous les autres que vous pouvez d'ailleurs écouter sur mikl.fm, suffit d'aller dans la rubrique Les sons. Voilà, bon. Et nous allons prendre maintenant le gagnant donc du ciné. Oui, bonsoir. Il est toujours pas là, il arrive. Bonsoir, j'ai gagné. En même temps, hein, s'il n'y a pas de réponse. Oh là là, quel mytho. C'est dingue ça d'être mytho à ce point-là. C'est incroyable d'être mytho à ce point-là. Putain, même avec un stagiaire, t'arrives pas à trouver un. C'est fou, c'est fou, c'est fou. À la limite, t'aurais pu faire passer le stagiaire si t'y arrivais pas. Maintenant, on va. Bon. Non, mais la prochaine fois, je vous mets un pipeau comme ça. C'est fou, c'est si tu veux. Ouais. Le stagiaire quoi ? Maintenant, le stagiaire, il va passer à toutes les sauces à l'antenne. Ah oui, bah le pauvre. Ouais, c'est... Et en plus, c'est lui qui est au téléphone et l'autre, il branle rien. À part dire c'est fou, c'est fou. L'autre, il est en train de s'étirer. Voilà, il se retourne, il regarde le foot. D'ailleurs, il y a l'Autriche qui a mis un but. Ouais, 2-1. 2-1 pour la France. Bon, on donnera. Ah, oh là là, mon Dieu, il est là. Vu ça, quelle rapidité. Ouais, tu parles. Christophe qui est là maintenant. Christophe, 28 ans. Salut, Christophe. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Bon, oulala, ça a pas l'air. Hein. Si. Ah bah, non, mais c'est parce que je vais m'arrêter, je suis en train de rouler. Ah, d'accord. Bon, vous c'est quoi l'extrait de film qu'on a mis là tout de suite ? C'est Le Carton. Eh oui, Le Carton, bonne réponse. On va donc te filer les cadeaux comme promis, les cadeaux cinéma, bien sûr. Je te renvoie chez Micha au standard. Sois patient. Oui. Ouais, parce qu'il y en a pour un petit quart d'heure d'attente. Hein. Minimum. Bon, salut Christophe. Merci. À bientôt, salut à toi, ciao. Et puis nous on va revenir dans quelques instants avec le son de Pitbull. Ce sera Hotel Room Service sur Énergie. Bouge pas. Tove part dans une exploration plus profonde de ses narines. Et Mickaël revient juste après ça. Et le son. Oula, dites donc, alors je commence à parler puis je pousse sur mon bouton. Tu vas plus vite que Pitbull. Ouais. Bon, le son de Pitbull à l'instant sur Énergie avec Hotel Room Service. Et puis on se fera péter du son US tout à l'heure. On aura aussi le son de Green Day. On aura aussi le son de Beyoncé avec Sweet Dreams. Et puis vite fait là, Sylvain qui voulait donner son avis par rapport à l'alcool. Donc on en avait parlé tout à l'heure. C'est une étude anglaise qui a été faite sur 10 000 Anglais à Liverpool de 15 à 16 ans par rapport à l'alcool, tout ça. Et il en est ressorti en fait. Et on voulait surtout avoir votre avis aussi sur le fait de est-ce que vous trouveriez ça normal que vos parents donc vous inculquent le fait de boire. Vers 15 ans, il boirait avec vous, par exemple. Ah ouais. En gros, c'est ça. Bon, et il y a Sylvain qui a donc 24 ans de Mâcon. Salut Sylvain. Ouais, salut Mika, salut toute l'équipe. Salut à toi, comment ça va? Ouais, franchement, ça va pas trop mal. Je te remercie d'avoir pris mon appel. Franchement, ça fait plaisir. Écoute, avec plaisir. Bon. Mais le plaisir est partagé. Ouais, moi, je me suis senti concerné par le sujet. Vas-y. Parce que j'ai entendu cette étude-là qui propose aux parents, apparemment britanniques, de faire picoler leur gamin avec eux une fois par semaine. Franchement, Mika, on est où, là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi, cette histoire. Moi, personnellement, j'ai vécu. Bon, voilà, je vais te raconter un petit peu ma vie. Vas-y, fais-toi plaisir. Comment? Non, je disais, fais-toi plaisir. Ok, bon allez, on est parti en mode de la rue là. Ouais, non mais vite fait, tu vois, bon, moi j'ai grandi avec une mère qui était alcoolique. Bon, elle a beau être prof d'anglais, tous les soirs elle buvait son canon. Et je te jure, de 11 ans jusqu'à ce que je parte de là-bas, jusqu'à mes 17 piges, j'ai été complètement dégoûté de l'alcool. Tu m'étonnes. Ouais, il y a moyen. Et en fait, je me suis grandi là-dedans, j'ai pas eu besoin d'éducation de la part de mes parents. Là-dessus, sur ce sujet-là, qui est l'alcool, l'alcoolémie, tout ça. Non, j'ai pas eu besoin d'éducation, mais je crois que c'est franchement une connerie. Après, toi c'est différent. Ouais. Ton histoire, elle est différente parce que t'as grandi avec une mère alcoolique. Ouais, là, pour la peine, c'est pas... C'est pour ça que ça m'a dégoûté, quoi. Ah bah oui, forcément. Dégoûté. La vérité, ça m'a dégoûté de l'alcool. Bon, ce soir, tu vois, bon, je suis avec des amis. J'ai fait une petite soirée avec eux. Bon, vodka pomme toute la soirée, c'est vrai. Mais ceci dit, j'étais dégoûté toute ma jeunesse de l'alcool parce que vu l'état dans lequel elle finissait, franchement, je me suis dit, jamais je finirai comme ça. Mais t'as un rapport différent à l'alcool que la normale, entre guillemets, des gens. Mais oui, mais la normale... À la base. La normale des gens, c'est quoi? Entre guillemets, j'ai dit. Sérieux, il y a des gamins de 13-14 piges juste parce qu'il y a le grand caïd de la classe qui dit allez les gamins, viens boire avec nous un canon là. Ah mais c'est pareil pour la clope hein, au final hein. C'est exactement la même chose. La clope, c'est un sujet, franchement c'est la même hein. Non mais quand je dis en général tu te fais engrainer, je veux dire c'est pareil pour la clope, tu vois, en disant ouais, allez principe, vas-y essaye, tu vas voir, regarde nous les cadeaux, on fume, tu vas voir, c'est pour faire comme les potes quoi. Voilà, c'est comme tout à l'heure, on était avec Leroux et avec Sandro et avec Polo à la terrasse d'un bar, et là il y avait 8 meufs, elles devaient avoir à tout péter 14 ans et 15 peut-être, et c'est avec leur clope et avec des clopes qui étaient plus grandes que leurs mains. Clope, talon, etc. Oui, c'est ça, c'est tout trop ce pour des femmes quoi. Un drame, franchement. Mais sérieux, un drame. C'est magnifique. Tu sais quoi, Mika, je vais te dire un truc. Moi j'ai 24 piges, je suis né en 85, et je te jure, par rapport au temps où quand j'étais en collège ou en lycée, J'ai l'impression, ça a tout changé. Maintenant, les gamins, à 13 ans, ils prennent leur premier pétard. À 14 ans, ils connaissent de faire l'amour. À 15 ans, ils boivent des canons jusqu'à s'en bourrer la gueule. Bah, écoute, moi j'ai 28 ans, mais j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé depuis mon époque, même si moi je l'ai pas fait, mais j'ai l'impression que tout le monde le faisait quand même. Ouais, mais carrément, t'es plus ou moins de ma génération. Moi j'ai l'impression, je te jure, ça a trop changé. Et c'est n'importe quoi, les gamins. Moi, je trouve aussi que c'est de plus en plus jeune, ouais. Notamment l'alcool, moi je pense que c'est n'importe quoi. Tu vois pas, toi, tu vois des parents qui vont faire picoler leurs gamins juste parce que c'est la mode. Non, c'est pas possible. Non, mais là, moi, c'est pas parce que c'est la mode, c'est juste pour essayer de leur montrer que voilà, l'alcool c'est bon de boire un petit verre, mais que tu peux vite tomber dans l'excès et donc du coup te bourrer la gueule et devenir alcoolo. Mais comment après, ils vont leur montrer, leur prouver que c'est dangereux de tomber dans l'excès? Ils sauront pas leur. Ah bah ça, après, j'en sais rien. C'est un phénomène de mode, c'est comme l'époque où les Scooby-Doo à notre époque, je te jure, à l'époque les Scooby-Doo, eh mec, je sais pas dans quelle époque t'étais ou si t'étais en Retour vers le futur, mais même moi qui ai 28 ans, j'ai pas connu les Scooby-Doo. Ah bon? Moi j'ai connu les Scooby-Doo. Alors ma sœur a connu les Scooby-Doo, ma sœur qui est née en 75. Moi je suis née en 85. Voilà. T'as pas connu les Scoob? Oh, mais tu vas limite paraître pour un ringard, les Pogs, les Scooby-Doo, les Pogs. Si, oui, t'avais ça dans les paquets de chips. Tu retournais les Pogs et t'étais refait, t'avais retourné 4 Pogs, ils étaient dans ta poche. Non, moi j'achetais le paquet de chips, ouais. Je bouffais les chips et je revendais le Pog. Et du coup, j'avais un paquet de chips gratuit. C'était très pratique à l'époque. Oui, mais on n'est pas tous des businessmen comme toi, Michael. C'est vrai. Attends une seconde. Il y a Julie qui est là, justement, 15 ans. Elle va pouvoir donner son avis. C'est exactement pile poil l'âge qu'il y avait dans le sondage. Là, salut à toi, Julie. Avec plaisir. Salut l'équipe. Comment ça va? Salut. Bien et toi? Ben oui, ça va. Ouais. Bon, bienvenue à toi. Tu voulais réagir, toi? Ouais. Alors, c'est quoi ton opinion sur le sujet? Alors moi je voulais dire que un an, mais mon père me jébutait au doigt les vins et tout ça. Et un an. Ouais, il trempait son doigt dans le verre puis il lui donnait quoi. Non attends, quand tu avais un an ou il y a un an? Non, quand j'étais toute petite quoi. D'accord. Toute petite. Ok. Et il m'a fait goûter de ça m'a vraiment dégoûté de l'alcool. Et là j'ai commencé que cet été. Avec mes parents, j'ai bu du Jet 27. Oh, ouais, mais c'est pas pareil en plus. Ouais, le Jet 27, je pense qu'on dirait pas de l'alcool. Hein. On dirait de l'antifrice, la liqueur de l'antifrice. Voilà, ouais, c'est ça. C'est horrible. Ça, sinon, tu peux aller chez Shell, tu prends un bidon d'huile. Hein. Ouais, oh. Non, mais. Et bref, j'ai adoré. Et j'en buvais le soir, quoi, vu qu'on était entre amis et tout ça. Mais toujours avec mes parents, j'en buvais avec eux. Et je suis pas tombée dans l'excès. Je goûte à certains alcools, mais je goûte pas à tout. J'ai jamais été bourrée, rien. Non, mais après, t'as une différence. Tu peux goûter à tous les alcools que tu veux, tant que tu les bois, entre guillemets, avec modération. J'aime pas le mot. Le mot est un peu vieux, mais tu vois, tant que tu bois un verre pour boire un verre, parce que ça te fait kiffer de boire un verre, basta. Mais après, t'as des gens qui picolent, qui boivent, même vraiment dans le but d'être bourré, ou parce qu'ils, je sais pas, parce qu'ils pensent que c'est tendance d'être bourré ou de faire bien en picolant, tu vois. Et donc, du coup, voilà, c'est par rapport à ça. Le fait de boire un verre de temps en temps, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Faut juste pas goûter tous les alcools le même soir. Et pas le même soir, voire même pas le même jour. Ouais. Hein. Voilà, parce que ça peut vite, tu peux vite tout rendre, et du coup, c'est un gaspillage d'argent monumental. Voilà, On en parle souvent, j'en ai reparlé la samedi avec des copines et de ça, et eux ils disent aux soirées, ils se bourrent la gueule, mais totalement. Voilà, mais c'est, tu vois, ça n'a aucun intérêt parce que tu profites. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois, après chacun sa vision des choses, mais enfin, je sais pas, tu te bourres la gueule, ok. Si quand t'es à la limite joyeux, bon, on passe parce que t'es joyeux. Mais quand t'es mort bourré, quel est l'intérêt? T'es une merde là par terre, tu fais chier tout le monde, tu profites de rien parce que t'oublies tout. Enfin, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Mais quand les gens ils se disent se bourrer la gueule, c'est pour être joyeux parce que ça te désinhibe. Non, mais attends, il y en a qui sont bourrés morts par terre parce qu'ils ont voulu boire plus de verre que le pote. Attends, quand tu fais des soirées, quand tu vas à des soirées, tu vois plus facilement des gens joyeux que des gens morts bourrés. Alors, après, t'as le joyeux casse-couille et après, t'as le joyeux qui est juste joyeux. Non, mais je te parle du mec joyeux qui a juste besoin. En fait, l'alcool, ça sert pour désinhiber les gens. Oui. C'est vrai, effectivement, ça te permet de faire plus de choses, mais après. il n'y a pas que l'alcool aussi, en fait. Il y a l'alcool aux soirées, mais mélangé avec tout ce qui est club, drogue et tout. Oui, non, mais à ce moment-là. Si vous avez besoin de ça pour vous amuser, bah laissez tomber, alors faites autre chose. Hein, bah, attends, c'est pas tout le monde qui picole, qui fume, qui se drogue. Il y en a beaucoup dans les soirées qui disent ouais, mais j'ai besoin de ça pour m'amuser. Moi, je peut-être pas fumer, mais je fume, j'en sais rien, du shit ou je me drogue. Bah voilà, c'est juste parce que comme ça, je m'amuse. Oh putain, si t'as besoin de ça pour t'amuser, mec. Alors, bah, c'est triste, quoi. Franchement, c'est triste. Bah oui, c'est triste. J'ai de la peine pour ta life. Hein. Si jeune, déjà, ouais. Ouais, déjà. Et se faire chier dans ta vie, déjà, c'est chaud. Pour la peine, j'ai de la peine. Enfin bon. Bon, ben bah, merci à vous deux, en tout cas, Julie et Sylvain, d'être passés pour votre avis. Ouais, bah écoute, avec plaisir. J'aurais juste une petite information à faire transmettre à tous les gens qui habitent à Mâcon, parce que j'ai créé une entreprise, vite fait, ça va durer une minute. D'accord, oui, non, c'est long, hein. Tu sais que c'est cher, une minute sur énergie en national. Je sais, mais parce que vous avez sélectionné mon appel, je profite de l'occasion. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, j'ai créé, Mika, une entreprise informatique à Mâcon, un assembleur, on vend du PC neuf, du PC de portable, fixe, des périphériques. L'entreprise Néo Service, 104 rue Saint-Antoine, à Mâcon. Venez nous voir, et si vous avez des soucis avec votre PC, on va vous le remettre à neuf, à 400%. Si vous écoutez Énergie, sincèrement, vous avez été vers Mâcon, je compte sur votre visite. Très bien. Et juste un truc, tu fais un petit truc si on vient d'Énergie. Tu fais un petit pourcent, un petit cadeau. Mais écoute, je t'offre un PC portable, Mika. Eh bien, parfait. Non, par contre, si tu me fais un prix, j'ai besoin d'un PC fixe. Oui, je sais, c'est un peu relou, mais bon, c'est pour faire ton énergie. Tu fais ton marché, là, en fait. Ouais, bah là, ouais, écoute, tant qu'à faire. Bah, écoute, on a des configs à partir de 449€ sur des putains de PC fixes en interne, écran plat, 9 pouces, mon pote, tu vas être fait. Non, mais t'emmerde pas, j'ai juste besoin d'un tour. Moi, j'ai pas besoin de l'écran, les Mais vas-y, fais un pourcentage pour les auditeurs. Ouais, pour les auditeurs, tu fais un petit pourcent. Et puis. Si vous venez de la part d'Énergie, j'annonce 10% de réduction. Très bien. Ce soir, c'est le grand soir. Et si je viens parce que je suis Énergie, alors là, t'auras le droit à un bisou sur le front. Ah, super. Grande conversation et sérieux, wow. Tu repars avec un PC gratos. 104 rue Saint-Antoine, 71 000, Mâcon. Très bien. Les gens, bon. Mika, viens, tu prends ta 607 et tu viens demain, il n'y a pas 607, moyen. Ouais, bon, fais-moi un mail sur amical@energie.com pour voir les tarifs. Mais oui, je vais en acheter un, donc tant qu'à faire, si je peux faire gagner l'oseille à quelqu'un, je préfère ça qu'une grande marque. Ouais. Eh bah écoute, avec plaisir, et juste une petite information, sérieux les jeunes, la coûte énergie, arrêtez de picoler si vous faites la fête, il y a d'autres moyens de s'amuser qu'avec l'alcool. La vérité, même si vous n'êtes pas dans votre état normal, même si vous croyez que l'alcool ça vous donne plus de confiance en vous, c'est pas vrai. On peut être naturel sans picoler d'alcool, sans boire de saloperies qui vous brûlent la gueule, pas vrai Mickaël? Oui, et Sylvain d'ailleurs il a sécurité routière qui vient d'appeler, donc il voudrait t'engager pour la publicité. Je suis pacté avec bidon futé, sache-le Mickaël. Très bien, alors ça va alors. Bon, Sylvain. Il est très poilu, mais il fait bien la peau. Ouais. Bon, merci à toi, Sylvain. Je te renvoie chez Micha au standard. Et tu reviens quand tu veux. D'accord, Sylvain, salut. Merci à toi, Micha. Je te fais des gros bisous. Bisous à toute l'équipe, à tous les auditeurs. Ciao, Sylvain. À bientôt. Bon, chérie, je t'ai fait concu dans quelques instants avec Clara qui est là, 22 ans. Salut, Clara. Salut. Ça va bien? Oui. Bon, très bien. D'après Micha, nous allons faire un petit chérie, je t'ai fait concu spécial femme qui aime les femmes. Oh oui. Parfait, nous ferons ça dans un instant. Tu restes là? Tu restes là, Clara? Pas de problème. Avec une voix comme ça, c'est gâché. Hein. Ouais, c'est gâché. Allez, bouge pas, Clara, on vient dans 3 minutes, bougez pas. Si les habitants de Wisteria Lane dans Desperate Housewives devaient écouter une seule émission de radio, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël sur Énergie. Mickaël, 21h, minuit. Bien plus désespérante que les embrouilles de Desperate Housewives. Mais oui, exactement. Bon, on se fera péter le son tout à l'heure de Green Day avec 21 Guns. Et puis on va faire le chéri, je t'ai fait coquer, qu'est-ce que t'en penses en haut? Ah, mais oui, d'accord. Oui, j'ai trouvé ça bien. Mais bon, je vais aller prendre une KitKat avant. D'accord. Et ça va me mettre en forme. Et qu'en pense le roux? Vas-y, fais-le, ton chéri qui cocu, là, on s'en fout, vas-y. De toute façon, il y a Gomis qui rentre à la place de Benzema. C'est 3-1, c'est bon, gros. 3-1, là? 3-1. 3-1. Ah, bah d'accord. Qui c'est qui a mis un but, là, le troisième? Toulalan. Ah, c'est Toulalan, d'accord, ok. Ça court. Ah, c'est Gignac qui vient de monter, donc ça va. Il marque un but, je m'en sais. Ils ont fait une bonne affaire. Qu'est-ce que tu bouffes? Putain, on a eu un gros souci. Qu'est-ce que tu malade. Bouffes quoi, un invité. On a eu un début de feu à l'entrée de la radio. Et du coup, tu t'es profité pour t'arrêter, pour acheter un truc à bouffer, pour. Des petits bonbons à l'accueil. Il y a une pinède hein, quand même devant la radio, donc ça part très très vite. Ouais. Surtout le 14 octobre. Qu'est-ce que tu bouffes? C'était un petit bout de pain. Ouais, tu feras attention, t'as encore un peu de cendre sur ton pantalon. Ah bah tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai sauvé un homme. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, pas le roux en l'occurrence, hein, puisqu'il est toujours pas là. Donc, à mon avis, il est bien mort. Hein. Bon, allez, chérie, je t'ai fait cocu maintenant. Clara, tu joues pour un écran plat LCD. Oui. Il faut être bonne pour ça. Ah, je vérifie ça tout de suite. Combien mesures-tu, Clara? Alors, 1m70. Combien pèses-tu? Je sais pas, 51. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui, c'est gâché. Ouais, hein. C'est gâché là, gâché. C'est péché. Franchement, ça se fait ouais, pas. Ça me vexe. Ah ouais. Oh là là, ouais. C'est gâché. Bon, enfin, c'est pas grave. Ta copine a de la chance en tout cas. Ouais, c'est comme ouais. Ça qu'on peut le dire. Bon, ouais. Comment s'appelle madame d'ailleurs, mademoiselle? Elle s'appelle Camille. Elle s'appelle Camille, très bien. Et toi, c'est quoi? Elle, c'est Clara. Clara. C'est les double C. Très bien. Bon, et donc, elle habite au même endroit que toi? Vous vous habitez ensemble? Comment ça se passe? Non, pas du tout. En fait, j'ai rencontré pour des vacances en Bretagne. Et ouais. Du coup, on se voit à distance et puis on se voit souvent comme ça. Et donc, elle fait des études d'infirmière. D'accord. Et puis, voilà. D'accord. Donc, vous n'habitez pas du tout dans la même pas la même région? Non, on habite ensemble. C'est parfait. Et elles se font des week-ends broute-minou. Voilà. Voilà, en gros c'est ça. Mais c'est bien aussi. Hein. Bon, Clara, donc on va l'appeler et tu es censée avoir rencontré Sandro où? Alors je suis censée. Bah, en fait, demain c'est son anniversaire. Ouais, ah, ouais, sympa, alors, bon anniversaire. Ah oui. Alors donc, bah, je suis censée avoir fait un truc pour son anniversaire en secret, quoi. Et lors de la préparation, mm-hmm. Et ben, je suis censée avoir rencontré une fille, puis, enfin, que je connaissais déjà de vue, et puis genre, on a discuté et tout, et puis après, bah voilà, quoi. Très bien, et donc qui prépare son petit sandwich au miel. Son mets du soir. Ouais, ouais, bon, bon appétit au roi roux. Gloire au roi roux. Ouais, gloire au roi roux. Bon allez, on y va, on l'appelle Clara, Sandro donc est derrière. Quand elle te parle, bien sûr, bah tu lui réponds, puisqu'elle est censée être à côté de toi, évidemment. Hein. Et bah, au plus elle s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux. Et on est chez Sandro ou chez Clara, peu importe. Tu m'appelles comment? Bah Sandra. D'accord. Voilà, ça t'ira bien, comme ça tu vas te faire insulter par sale pute Sandra. Ça sera très bien. Bon, et si elle pleure, c'est perdu, donc fais-la intelligemment, bien sûr, ok? Oui. Allez, allez, c'est parti. Bonne chance, Clara. Ouais, bah dis-moi merde. Ouais, mais elle t'entendait pas. Ah, d'accord. Bon, ça va, alors j'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive à Josie? Allô? Allô? Oui, Camille. Oui? Non, moi, ouais, je c'est pas, moi. Sa petite sœur ou quoi? Ah, oui, allô? Oui, tu entends? Oui, je t'entends. En fait, j'ai un truc à dire. Oui. Tu sais, c'est pour ton anniversaire. C'est sa sœur. Ouais. Attends, Micha, tu te fous de la gueule du monde jusqu'au bout. J'ai préparé une petite fête. Et puis, bah voilà, en fait, faut que je dise que bah, j'ai rencontré bah, une fille et tout, j'avais rencontré comme ça. Et comment ça? bah, on a discuté et tout. Et autant puis, Clara, voilà, elle, quoi. Ça va, elle gère bien, mais ouais. Oui. Ça s'est fait. Puis, je me demande bah, c'est pas un mec. Hein. Je sais pas, elle est intelligente oui. Et tout, elle connaît plein de trucs. Enfin voilà, elle me satisfait quoi. Enfin, c'est vrai que toi t'es pas toujours là, et puis. Ouais, pas très sympa. Bah, oui. Ah bah après, il n'y a plus de texte, alors forcément, c'est la merde. Mais t'as qu'à pas être là aussi, t'as qu'à déménager. Enfin, je sais pas, moi aussi, je vais être satisfaite. Et puis, elle est punie pour la peine, je vais l'appeler Poupoune. Et puis aussi, il faut reconnaître qu'elle est très bien, qu'elle se débrouille bien. Ouais, non, mais enfin, t'as très sympa, quoi, je sais pas, franchement. Oh, et c'est qui exactement? C'est Basbel Sandra, en fait. Elle? Ouais, Sandra. Sandra, elle est bonne et tout. C'est vrai l'avoir. Hein. Oh là là là là. Autant vous dire qu'on aura les crampes là gagnés demain. Non, mais c'est franchement, c'est dégueulasse là. Je sais pas. Ah ouais, t'aurais dû mettre en jeu les places pour Tokyo Hotel. Arrête, ah bah non, attends. Non. Toi, tu te fous bien. Je sais pas quoi là encore. Oh là là, est-ce que c'est mauvais? On les laisse sans souci. Ah oui, un peu, toi, ouais. Ils sont trompés. Ok. Ça... elle est là? Ouais, elle est là et tout. Bah, je sais pas, on se prépare un petit plan comme ça. Allez, vas-y, Sandro, qu'on rigole un peu là. Ouais, je sais pas. Et tu fais ça depuis quand? Sois mauvaise, t'y arriveras. Bah, depuis la fête de ton anniversaire. Enfin, en même temps, c'est grâce à toi qu'on s'est rencontrés. Hé, hey, Poupoune. Poupoune. Ouais, qu'est-ce que là? On va se faire le rediff de la Starac là, dépêche-toi. Ah oui, ouais, j'arrive. Et bah, tout. Quand même, hein. Ouais. Ah, tu regardes encore la star, non, mais ça craint, là. Bah, attends, non, mais l'insulte pas aussi, hein. Elle est bonne, je te signale. Bon, allez, dépêche-toi, là, chérie. Oui, oh, oui, j'arrive. Je suis au téléphone avec une fille. C'est qui? Bah, je sais pas, j'ai une meuf. Mais... Oh, mais ça, elle m'énerve, là, tout à l'heure. Bah, non, mais vas-y. Mais attends, je raccroche, oh, en plus. Encore un peu, encore un peu. C'est honteux. Pour le calvaire. Alors là, c'est honteux. Et c'est qui le mec qui parle derrière? Alors là, bon, Clara et Camille, j'ai déjà entendu un mauvais acteur studio, mais celui-là. Franchement, là, pour la peine, ça mérite, c'est le pompon. Ouais, ça mérite, moi, je trouve un beau cadeau. Là, ça mérite des cours de comédie, ouais. Ah ouais, ouais, ouais, bah vous avez gagné un an dans l'école de Pedro. Voilà. Ouais, bah fais gaffe, hein. Ouais, c'est vrai, c'est cher, ouais, c'est cher. C'est les cours Pedro. Bon, Clara et Camille, je vous repasse Micha qui va vous réexpliquer le. Attends, laissez justifier, ça c'est drôle. C'est Camille, tu savais qu'on allait t'appeler? Ah, je chuchote. Camille, ouais. Camille, tu savais qu'on allait t'appeler? Non. T'as quel âge en vrai? T'as quel âge, Camille? 16. Ah, 16 ans, dites donc. Alors, et Clara, c'est lui dire nos mêmes mineurs, ça presque, hein? Clara? Oui? Ah, elles répondent toutes les deux, alors très bien. C'est beau ça. Oh là là, nous sommes dans un monde. C'est mauvais. Oh là là. Vous avez été mauvaise. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, je peux dire qu'on l'a pas, c'est pas le meilleur hein, ce soir. Ah non. Bravo Micha, si, bravo. Bravo. Bravo. Micha, Micha, Micha. C'est mon public. Micha. Ouais, c'est ça, ouais. je vais aussi faire le public comme le soir. Allez, il me va, dégage. Allez, viens-le. Bon, Clara et Camille, allez hop, vous retournez au standard et vous ne passez pas par les cascades. Des vrais chipiers. Ah bah non. Oh, bah, ça va, pour la prestation. Mais non, rien. Mais non, même pas. Non, mais un petit cadeau. Limite, un bon, petit Leroux, CD, hein. Leroux donnera la peau du poulet qui mange pas. Ouais, voilà. Non, je renvoie la photo de Toff. Je trouve ça sympa de leur part d'avoir aidé Micha qui était dans qui était dans la merde parce qu'il avait pas bossé. Donc. Mais c'était ta sœur, Micha. En fait. Oh là là là là là là. Oui. Oh là là là là, c'est un drame, c'est un drame. Bon, allez, Tokyo Hotel, maintenant on va filer les places. Vous vous êtes inscrit depuis 21h. Toute cette semaine, on vous file les places pour le concert privé de Tokyo Hotel qui aura lieu à Paris. Donc, c'est le mercredi 28 octobre. Allô? Allô, Sophie? Oui. Salut Sophie, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Bonjour Mickaël. Comment ça va? Ça va. Bon, tu t'es inscrite pour les places pour Tokyo Hotel? Je me suis inscrite. Eh ben c'est parti, elle me dit. Ah non, non. Non, non, ça m'intéresse pas, je sais pas ce que c'est. Bon bah deux places pour toi à l'occasion de l'ouverture du plus grand magasin d'électronique de France au centre commercial Domus, donc c'est Énergie et Saturne qui t'offrent les places pour le concert privé des Tokyo Hotel. Mais franchement merci beaucoup. Ben je t'en prie. Est-ce que je peux dire quelque chose, Miguel? Non. Allez, s'il te plaît. Vas-y. Je voulais dire, en fait, je viens d'écouter les deux filles qui sont passées auparavant. Oui, et franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elles ont besoin de cours de comédie parce que c'est pas possible. Ah oui, non, mais même un sourd, on s'en est rendu compte. Hein. Ah, mais c'est un truc de malade. Ah, et oui, je voudrais aussi passer une dédicace à toutes les filles du forum de Tokyo Hotel qui espèrent depuis tout à l'heure qu'on les appelle. Donc voilà, je pense très fort à elles. Bah écoute, si tu veux, tu remets tes places en jeu et puis on les appelle. Non, c'est bon, c'est bon, je garde mes places. Ouais, j'avais bien compris, bah, t'inquiète. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et voilà. Bon, je t'en prie, je te fais des gros bisous, Sophie. Moi aussi, bisous. À bientôt, je t'embrasse. À bientôt, ciao. Ciao, bye bye. Et c'est première dans l'histoire du foot, je pense, en France. Deux streakers sur la pelouse du stade. Ah, c'est de des mecs, des supporters hein. Ouais, qui se pointent sur le terrain. Oh, les mecs sont rentrés sur le terrain. Eh, il y a Astorga carrément qui est intervenu là. Mais non. Non, mais si, c'est un des strikers. Autre sens. Ça s'appelle un striker, un mec qui monte sur le terrain. Non, j'ai vu un autre gars à côté. Donc c'est quoi? C'est juste un supporter, enfin un mec qui était là. Ouais, ils sont montés sur le terrain. Quoi. Non mais ils gagnent de la thune à faire ça, j'espère. Non. C'est des paris ou des conneries? Ça dépend, ouais. Ils ont peut-être fait ça entre potes. Mais là deux quand même, c'est rare. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils sont punis? Comment ça se passe? Ouais, ça dépend dans quel pays t'es. En Angleterre, t'es interdit de stade. Ah oui, quand même. Mais là, c'est en France. Ah putain. Là, il peut. Si les mecs sont des cons et s'ils sont débattus, ils peuvent finir en garde à vue. Non, ça va. C'est pas débattu. Bah, ils vont être virés du stade et puis voilà. D'accord. Bon, en même temps, ils ont fait ça à 88e. Ouais, ça va. Le match est plié là. Un petit quatrième but pour la France, peut-être. Et puis on verra quoi. Bon, après, il y a des pays où on voit jamais le mec. Hein, oui, oui, ah bah oui, ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Bon, allez, on revient dans un petit instant avec le son de Green Day sur Energy. Sera 21 Guns. On fera le mag aussi d'ici un petit quart d'heure. Et puis on donnera des nouvelles de Tournée Manège. Bouge pas. On compte ses économies. Il en manque une. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà le son Grindel à l'instant et 21 Guns. Et c'est fini pour le match de la France qui a gagné ce match qui ne sert à rien. Oui, mais on a gagné quand même. Et oui, une victoire pour rien. Non, mais c'est bien, hein, mais bon, bah ça sert à rien quoi. On montre qu'on est présent. Oui, bah c'est vrai, mais ça sert à rien. Ils sont venus quoi. Voilà. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que c'est quand le prochain match ou c'est face à qui? Bah c'est bah on sait pas encore en fait, ça sera soit la Slovénie, soit la Slovaquie, le 18 novembre. Soit l'Ukraine, soit la Bosnie. Donc dans 15 jours. Non, dans un mois. Dans un mois ouais. Ouais, dans un mois. Normalement sur le papier, c'est les équipes plus faibles. Ouais oui, bah sur le papier ouais. Bah ouais, après oui, non, on verra, c'est les équipes au niveau de la France. On verra, oui. Oui, bah oui. Bon, on va faire un les tour du côté pareil hein, du côté du MAG. Hein. Non mais je me le raconte pas mais il y a pas de mal, ils ont joué aujourd'hui ou pas? Bah, je crois qu'ils jouent aujourd'hui ouais. C'est pas vrai. Faut que attends, il faut que je regarde en speed. Regarde le résultat d'Estonie Belgique aussi. Sans Cristiano. Oh merde, putain, c'est vrai ça. Oh là là, quel drame. Attends, hop là. De toute façon, il joue au Portugal, tu sais pas? Comme ça, du coup, s'il y avait une heure de moins. Ah, je sais pas du tout ça. Attends. Oh, elle est sympathique la cravate de Domenech. On bah écoute oui. Pas le mot de Domenech. Elle est très jolie. Oh, 4-0 pour le Portugal. Ça, ça fait plaisir. Pas mal. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pas mal, 4-0. Pourquoi tu fais pas mal? J'ai l'air. Par contre, on ne sait pas contre qui. Hein, voilà. Bah 4-0 mec. Ouais, quand on a joué les îles Féroé, contre là, des îles qui se trouvent, personne sait où. Non mais attends, j'ai pas fanfaronné. Contre Malte. Ah bah voilà. Ouais d'accord. Et Estonie-Belgique alors? Ah ouais, alors. Donc les Portugais vont en barrage. Oui, très bien. La France. Ils vont construire, tu crois? Sinon, bravo oui. Également. Bravo également au Luxembourg qui a mis un but. Enfin, qui a mis. C'est la Grèce qui a mis un but contre son camp. Ah, c'est pas mal. Mais ils ont un but quand même. Putain, contre les champions d'Europe. Ouais. Non, mais ouais, c'est pas vrai. Eux. Hein, non, c'est plus eux. Mais attention, c'est plus eux, c'est la Grèce a gagné hein, 2-1 quand même, malgré tout. Hein. Belgique, bah, ils sont pas là. Hein. Ils ont été enlevés du truc, dis donc. Ouais, c'est le match, c'est tellement mauvais, ils l'ont retiré. Ouais, je vais regarder moi-même. L'Espagne a gagné 5-2 aussi. L'Ukraine, 6-0. Et Belgique a perdu face à l'Estonie 2-0. Hein. Dommage, bien essayé. Ouais, c'était bien essayé. C'était. C'était bien tenté, c'était perdu. Voilà. Bon, voilà. Bah, ça c'est fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, on va parler donc de tournée manège maintenant. Et donc aujourd'hui dans tournée manège, ils étaient 5 à chercher l'amour. Et vous saurez à la fin si Coé a réussi à rendre un couple heureux. Du côté des hommes, il y avait Bertrand et Vincent. Et du côté des femmes, Emmanuel, Ingrid et Charlotte. Et écoutez, ça commence fort. Une question débile appelle une réponse encore plus débile, évidemment. Penses-tu que la loyauté et la fidélité soient des qualités réservées aux chiens? Ça sent c'est, ça, c'est pas mal. Ça, c'est dit. Non, c'est pas réservé exclusivement aux chiens. Il peut y avoir les chats aussi. Oh là là. Voilà. Et donc Emmanuel, donc une des filles venue chercher le grand amour, n'a pas bien compris le principe de l'émission. Donc Coé lui demande d'éliminer un des deux hommes, Bertrand ou Vincent. Écoutez sa réponse. Qui éliminez-vous? Sans hésiter, je garde Coé. Ah, la vieille suceuse, c'est. Voilà. Ouais. C'est... Pourtant, il n'y a plus de cheveux. Non, oui, bah, c'est pas les cheveux qui font l'homme, Mickaël. Ouais, tu verras ça plus tard. De quoi, je m'en fous, moi je pars. Il est bel homme, hein, il a perdu un peu et tout. Ah ouais, bah enfin bon, en même temps, avec ce qu'il prend pour tourner manège, il pouvait s'offrir quelqu'un. Hein, oh, putain, j'aimerais bien savoir son salaire. Je sais pas, mais bon, s'il prend tourner manège, mec. C'est au moins. Je sais pas. Au moins. Mais il doit prendre. Hein. Ouais. Bon, vous l'attendez, vous l'aimez, c'est la question qui. Fâche. Non, balance. Dans le village des Schtroumpfs. Chacun a une spécialité. Il y a le schtroumpf coquet, le schtroumpf à lunettes, le grand schtroumpf, tout ça, le schtroumpf grognon. À votre avis, votre voisin, il serait le schtroumpf quoi? Voilà. Donc les deux hommes donnent leur réponse, mais Coé n'est pas content. Il voulait plus de méchanceté. Regardez-le bien. Hein. Question, vous, alors ça balance un peu, donc forcément. Pour vous, il serait le schtroumpf gourmand? Ouais. D'accord. Là, il cherche. De son côté, Bertrand, il fait hein, hein, je suis le schtroumpf gourmand, moi. Hein, vous pouvez choisir, d'après vous, Vincent, il serait le schtroumpf quoi? Il y a le schtroumpf farceur. Il y a le schtroumpf, sinon vous inventez. Le schtroumpf. Ouais, je farceur, c'est ça. Le schtroumpf sympa, rigolo. Farceur sympa. Le schtroumpf rigolo. Ouais, ça l'emmerde. Il a traité de schtroumpf gourmand. Tu te rends compte de ce qu'il t'a dit? Il a dit que t'étais un schtroumpf gourmand. Je suis pas. Ouais, regarde-le, je le dis. Je suis pas agressif. Voilà, donc c'est lui qui voulait donc plus de méchanceté. Il aura peut-être dû poser la question à Roux, je sais pas. Tiens, Roux, à ton avis, ton voisin serait le schtroumpf quoi? Passons par moi, pour une fois. Ah, il en avait un bon pour teuf. Ah ouais, dommage. Oh, je vais garder le même. Mike, c'est Gargamel. Hein. Ah ouais, ouais, c'est vrai, exactement. Colas, bah, t'as de la chance que t'es pas à côté de moi. Bah moi, pour Micha, je dirais Azrael. C'est qui? Le chat. Le chat. Le chat, le chat de Gargamel. Il sait pas, il a pas compris. Et c'est pas grave. Il faut lui poser la question. Quel schtroumpf fais-tu? Voilà. Non, quel schtroumpf tu penses que je suis? Ah, parce que Mickaël, j'aurais dit Grincheux tout de suite. Mais non, ça c'est pas les sept nains. Ah bon, il y a pas le schtroumpf relou. Grognon alors. C'est bon, grognon. Bref, Jack, ce serait quel schtroumpf? Bah le grand schtroumpf. Mais non. Ah, le grand schtroumpf. Oui, il y a grand schtroumpf. Ouais, enfin, il est pas grand, c'est parce qu'il est vieux. Oh bien, merci Micha. C'est sa réponse. C'est la voix du sage. Bon, Jack, sans doute. Bah, je pense qu'on aurait tous le même. Bah non, moi je dirais pas la schtroumpfette. Non, bah non, moi non plus. Ah bon? Je dirais schtroumpf gourmand. Mais la schtroumpfette, c'est plus pour Toff. Je trouve qu'elle lui ressemble. Ouais, c'est vrai, on a la même chevelure. C'est blonde aux yeux bleus. Donc toi, tu dirais schtroumpfette pour Toff? Bah oui. Très bien. Et toi, Toff, pour Roux? Bah ouais, j'allais dire schtroumpf gourmand aussi, mais comme on l'a déjà pris. Schtroumpf costaud. Ça existe? Schtroumpf costaud. Oui, il a un tatouage. Non, avec oui, il a un tatouage avec un petit cœur et une dans flèche. Dans ce cas-là, c'est Schtroumpf Peter. Ouais. Ouais, non, Schtroumpf farceur. C'est ouais. Oh putain, pour Micha, ah, pardon, oui. Je retire. J'aurais plutôt dit, même s'il en a pas, Schtroumpf à lunettes. Tu sais, il sait toujours tout, il a toujours la science infuse, mais c'est jamais bon. Oh non. Je m'en rappelle pas du Schtroumpf à lunettes. Si, si, le Schtroumpf à lunettes. En tout cas, c'était une question qui schtroumpfait. Je schtroumpf feignant aussi. Il y a c'est vrai, c'est vrai. On va laisser les schtroumpfs dans leur pays maintenant. Parce que... Allez, bon, Vincent pose une question sexe à Emmanuel et écoutez la réponse. Le roux va sauter au plafond. Emmanuel, un sexoïs pour toi, c'est un objet du quotidien ou un ovni? Va falloir passer. En fait, ni l'un ni l'autre. Quelque chose que je connais et c'est comme les hommes, c'est quand on a besoin, à l'occasion. C'est les vieilles féministes qui essaient d'être drôles. N'importe quoi. Voilà. Si, c'est vrai. Mais bon. Quand vous faites des vannes bien grasses, ça vous fait rire. Bah oui, mais on est entre hommes, merde. Ah là, c'était drôle. Elle l'a bien dit, bien placé, c'était sympa. Bon, et Bertrand donc a été éliminé. Vincent, encore une question sexe, mais il aime aussi la télé. Ça fait un mélange bizarre. Écoutez sa question et surtout la réponse d'Emmanuel. Si ta manière de faire l'amour était une émission de télé, ce serait quoi le titre? Plus drôle. Proche de quoi? Une émission de cuisine? Oh, dites de, je prends la bête là, je la mets comme ça. Je la mon sauce, je la tourne, machin. Bon appétit, alors. Voilà, question cuisine. Ça. Ouais, c'est que ça a toujours un goût différent. En fait. Ah, je l'ai. Et question pour Sandro, si ta manière de faire l'amour était une émission de télé, ce serait quoi le titre? Oh là, putain, je me pose my ride. Question. Très bien, il a bien répondu. C'est bizarre comme question, c'est dur. Bah ouais, oui, qu'est-ce que je te dis La Star Academy, pour qu'il y ait beaucoup de candidats différents. Ah oui, donc pour faire des gangbangs. On a compris, bah, t'emmerdes pas. Bon, avec toutes ces questions, donc Vincent va repartir avec Ingrid. On leur souhaite beaucoup de bonheur et on retrouvera Tournée Manège demain avec Koé. Celle du Rose avec Anal Football Club. C'est vrai, c'est pas con. Bon, allez, on est en retard là, à passer aux choses sérieuses maintenant. Le MAG, nous sommes donc le mercredi 14 octobre 2009 et il est l'heure de faire un point sur l'essentiel de l'actu. Bienvenue, c'est le MAG du jour. On commence avec le scandale des associations, comme l'annonçait ce matin le Parisien Aujourd'hui en France. Une information judiciaire pour escroquerie et abus de confiance visant des associations caritatives suspectées d'avoir détourné plusieurs millions d'euros à bien été ouverte. Certaines assos passeraient jusqu'à 90% de leur budget en frais divers. Mais comment on peut savoir où va son argent? Tu peux jamais vraiment savoir. Hein. Donc si vous voulez faire un don, faites un don utile à l'association Une chemise décente pour le roux. Nous pouvons vous garantir que l'ensemble des fonds ira directement dans la poche du roux. Ah oui. Allez, escroquerie toujours. Les restaurateurs n'appliqueraient pas la baisse de la TVA comme ils l'avaient promis. Près de la moitié n'auraient même pas changé leur carte et seuls 20% auraient respecté leurs engagements. Mais comment on peut savoir où va son argent? Là c'est facile, si ton café a pas baissé depuis le mois de juin, c'est que le barman se fout de ta gueule. Voilà. Environnement maintenant, les compagnies aériennes redoublent d'efforts pour faire des économies de carburant. La dernière trouvaille nous vient du Japon où depuis le 1er octobre, All Nippon Airways demande à tous ses passagers d'aller uriner avant le décollage. La compagnie aurait ainsi réduit de plus de 4 tonnes ses émissions de CO2. C'est ouf. Ouais. Putain, la prochaine étape pour économiser le carburant, ce sera lavement anal pour tout le monde avant d'embarquer. Et on passe au con du jour. Et aujourd'hui, miracle, le con du jour n'est pas un indien. Il s'appelle s'appelle Maxi Sopo, il a 26 ans, américain, et il est surtout l'auteur d'une très très belle arnaque. Effectivement, il est devenu président de l'EHPAD grâce à son père. Non, non, j'ai dit Maxi Sopo, pas Jean Sarko. Ah. Enfin, pareil. Non, en fait, notre ami Maxi a donc réussi à falsifier un crédit de 200 000 $ avant de se l'accorder. C'est ouf ça, comment il a fait? Si tu veux, Sandro, il le précise pas, hein, tu vois. C'est-à-dire qu'il voudrait éviter que tout le monde tente, évidemment. Ouais, c'est bon. Bon. Et donc. Il va faire quoi alors avec ces 200 000 $? Ah, ben en fait, dans ce genre de cas, c'est très con, mais l'argent que t'as gaulé, ben, il te sert juste à organiser ta fuite. En fait. Ah ouais, donc il s'est fait serrer. Soyez patient. Il s'est d'abord fait repérer, donc évidemment, une fois repéré, ben, il se tire. Loin de préférence, mais ses amis lui manquent. Bah oui, forcément, quand t'es en cavale, tu vois, tu te sens un petit peu seul, évidemment. Ouais. Donc c'est ça le problème. Et donc, ouais, il est parti aux putes. Ah, c'est incroyable. Enfin, au moins, toi, si tu t'enfuis, on saura où tu te trouves. Hein. On saura où tu te trouves plutôt. Hein. Non, en fait, il a fait quelque chose de plus simple. Il s'est tout simplement connecté à Facebook et comme ça, régulièrement, il donnait des nouvelles à ses amis. Je comprends toujours pas comment il s'est fait gauler par contre. Bah, c'est assez simple. En fait, un gars du ministère de la Justice américaine a infiltré son Facebook. Ah ouais. Notre Maxi Sopo a accepté son nouvel ami, donc, hein, lequel a pu lire tous les messages du fugitif. Hein, c'est vraiment un petit paradis ici. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Et surtout, j'adore Cancun. Ça, c'est énorme, il s'est grillé tout seul, quoi. Voilà. Et donc, c'est en actualisant son statut Facebook qui s'est fait gauler. Alors, évidemment, cette quiche, évidemment, s'est directement fait arrêter. Et maintenant, bah, la nuit, dans sa cellule, il rêve de Cancun et de ce qu'il aurait pu faire avec 200 000 $ s'il était moins con. Voilà. Très bon mais très con ce con du jour. Hein. Ouais, et bah je te remercie. Allez, on parle un peu de sport maintenant. C'est aujourd'hui que les organisateurs du Tour de France ont révélé l'itinéraire du Tour 2010. Le Tour de France qui passera par la Belgique et débutera à Rotterdam aux Pays-Bas. Départ de la Hollande. Ouais. On sent bien que même les organisateurs ont abandonné l'idée d'un tour sans drogue. Allez, football maintenant. Alors que la France vient de gagner, Platini a enfin annoncé la bonne nouvelle. Si la France ne se qualifie pas pendant les matchs de barrage, Domenech partira. Alléluia quoi. Ouais. Il aurait mieux fait de le virer avant pour qualifier la France. Ouais, mais bon. Je me demande qu'est-ce que ça pourrait être sa réaction à la télé s'il perd en barrage de la Coupe du Monde. Estelle, je peux venir vivre chez toi parce que j'ai tout perdu là. Je sais pas. Bon allez, on passe au petit truc du jour maintenant. Une astuce qui pourra peut-être un jour vous sauver la vie, mesdames et mesdemoiselles. En ces temps de peur, de panique, du terrorisme, voici comment vous pouvez échapper à une attaque de gaz toxique. Procurez-vous pardon, deux masques à gaz, attachez-les ensemble et servez-vous-en au quotidien en tant que soutien-gorge. Le jour où vous serez confronté à une attaque terroriste, il vous suffira donc de les détacher et de mettre un masque sur votre visage. Et en plus, comme il vous en reste un, vous pour également sauver la personne qui vous accompagne et ainsi devenir une héroïne. Exactement. Ouais. Et si vous êtes en train de vous marrer là derrière votre radio en pensant que je dis que de la merde, sachez déjà que c'est pas bien, hein, ça c'est la première chose, et sachez que des scientifiques de Harvard ont remis une médaille à des inventeurs qui ont fabriqué un soutien-gorge dont chacun des deux bonnets peut se détacher et se transformer en masque à gaz. Bah, il reste voilà. Plus qu'à inventer le même pour les hommes, hein, avec tu mets un filtre intégré à l'arrière du caleçon pour se protéger d'épais dégâts. Quoi. Bah, non, épais du roux. Oui, ça suffit. Ou des voilà. Autres. Hein. Juste du roux, ce sera déjà parfait. C'est ces pets-là les plus nocifs. Hein. Oui. Et il faut le savoir. Faudrait comparer avec d'autres. Hein. Je suis sûr qu'il y a meilleur. Ah bah, si tu le proposes. Bah, si t'as envie de tester, n'hésite pas. Hein. Non, mais tu peux appeler Polo, tu verras qu'il y a, y a pire que roux. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, petit quiz people maintenant. Qu'on dit nos amis people comme conneries. Hein. Beaucoup déjà, mais on a dû en sélectionner. Qui a dit Secret Story, c'est de la destruction psychologique? C'est Jonathan. Bonne réponse, on voit que Sandro est au taquet. Hein. Qui explique pro sur Secret Story. Ouais, qui explique sur le site Pure People que Sabrina a été hospitalisée. Ah, qui a dit, qui a dit j'adorerais l'ecstasy? Fergie des Black Eyed Peas. Oh là là, au taquet, là c'est le... Donc il vient d'admettre pas m'énerver ce soir. Qu'elle prenait régulièrement de la drogue quand elle était ado, mais elle ajoute et ça vous détruit. Mais c'était bien de s'en rendre compte. Fergie. Plus ou moins que Secret Story alors? Ah, ça je sais pas. Bon, allez. Et là, Sandro n'aura pas la bonne réponse. Qui a dit « Monsieur Sarkozy, adoptez-nous » ? Ah, c'est les petits ministres, là, les gamins. Là. Les petits ministres. Les petits jeunes là qui sont en formation. Les petits jeunes en formation. Si, quand ça... Je sais plus, je l'ai vu. Ouais. Oh, putain, C'est les petits... les jeunes réformeurs ou un truc comme ça. Les jeunes réformeurs. Allez, petit indice, espèce en voie de disparition. Les étudiants ? Non. Des employés, non, des salariés. Non. Des salariés de France Télécom. Non. Sandro est en bonne voie. Hein. Ouais, c'est. Donc c'est des petits quelque chose. Des jeunes. Non, pas forcément des petits, mais. C'est des jeunes en formation ou. Des apprentis. Des intérimaires. C'est pas les 5 du 93 C'est là, des mecs qui se forment au métier de, enfin, dans la politique. Non. Vous galérez, là. Des nains, qu'est-ce que vous galérez si que vous... je l'ai mis le point ça va non non franchement là non parce que tu je me rappelle voir. Pas hein. oui bah c'est bien ça on reproche hein. Vas-y t'as pas d'autres indices ah non bah là je peux prendre les indices merde c'est en voie d'extinction c'est en voie d'extinction oui à des ours non des non mais vous trouverez pas victoire de l'équipe de France non bah attends ah oui mais enfin bon on cherche plus vite mec donne un autre indice non si bah si c'est des jeunes députés hein. Ouais, des jeunes députés. Des députés. Ah, des députés jeunes... du NPA. Non. En formation pour être député. Ah, merde. Bah la, je, la jeunesse. Allez. Ça, la jeunesse socialiste. Ouais, la. Ah. La jeunesse. Mais qu'est-ce non, qu'on de droite, non. De droite. Non. La jeunesse centriste. Non. La allez, jeunesse communiste. Putain. Non. Les enfants de Ségolène. Mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais. La jeunesse. Non. Vous étiez presque là. Putain, il manquait un mot. Les là. Jeunes socialistes. Non. Les jeunes sociodémocrates. Non. Les, je... bon, là, les jeunes suite, apprentis là. Socialistes. Non, les socialistes, oui, mais quoi les militants socialistes. Voilà les militants. Oh là là. Ça n'a rien à voir avec les jeunes réformés. Dis-moi, t'allais être adopté par Monsieur Sarkozy. Oui. Ah oui, il y a un problème au Parti Socialiste. Ah oui, là, oui. Là. Non, mais ouais, ils savent très bien qu'après, ils auront un poste. Bon, bah voilà. Hein. Ouais, j'ai victoire écrasante de Sandro ce soir. Ouais, bon, ça va. Hein, je peux parler de moi à la troisième personne. Ouais, t'enflamme pas non plus. Hein, ne t'enflamme pas non plus. Bon, dans quelques instants, on va revenir avec un petit son US. Et puis avec vous toutes et vous tous, évidemment. Et puis prochain point sur le mag. Et bah, ce sera demain, 23h. Voilà, on fera aussi tout à l'heure un petit quelques petites infos au niveau de l'iPhone. Et puis on mettra aussi avant tout à l'heure, avant la fin de l'émission, Beyoncé avec Sweet Dreams. Et comme je le disais, dans un instant, un petit son US sur Énergie. Bouge pas, bouge pas. Jack continue de réfléchir à pourquoi il a fait un blanc hier soir. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà le son des Cranberries à l'instant avec Zombie sur Énergie. Son que vous pouvez d'ailleurs retrouver à l'écoute sur amikael.fm. Suffit de cliquer sur les sons. Et puis il y a Eugénie du 7 qui dit trop bon le son, je kiffe trop. Et puis merci, trop bon comme son. Le son est à fond dans mon camion. C'est Seb de Vendée qui avait envoyé le message. Et puis un message qui demandait aussi si je peux mettre ce soir le son de Burn Burn des Lost Pro. Alors oui, mais ce sera plutôt pour demain parce que ce soir j'ai déjà promis un autre son à quelqu'un qui m'a envoyé un mail aussi cet après-midi. C'est un son que je vous avais fait découvrir il y a à peu près 2 ans, je pense. Donc voilà, restez bien là, on le mettra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Bon, le roi a terminé de manger. Oui, ça fait un bout de temps. Il a fait son roi. Le roi a fait son roi, le roi n'a plus mal au ventre. Non, il a pas pété encore. Oh, voilà. Roux, putain. Tu me poses la question, moi. Non, mais je te demande oui ou non. Oui, j'avais fait mon roux, oui. Mais il fallait pas le refaire, alors. Hein. Ah bah, il est par sûreté, moi, je sais pas. Parce que le roux avait des crampes de faim. Non, mais non, c'est pas des crampes de faim, je sais pas ce qui se passe. J'ai des crampes d'estomac, ça me défonce. C'est le groupe, le nouveau groupe de Dolores O'Riordan, les crampes de faim. Ouais, je sais. Ouais, c'était pas terrible. Au final, j'ai rigolé par réflexe. Ouais, mais c'est la première intention qui compte. C'est vrai, c'est vrai. C'est le réflexe ouais. Automatique. Bon, on mettra tout à l'heure le son de Beyoncé avec Sweet Dreams. On ira faire un tour aussi du côté du question pour une réponse. Et puis, ah, cool. Ah. C'est la série spéciale sur les viols sur TF1. Ah, mais moi j'aime bien cette série, je vois pas ce que tu y trouves si. Pas, t'arrêtes pas de la défoncer, elle est pas. Non, je la défonce pas, c'est juste que. C'est tout le temps des viols quoi. C'est la série. C'est normal, c'est le sujet du truc. Il faut savoir quand même que c'est la série la plus vendue au monde. Ah ouais, ouais. Mais ouais, en fait la force de cette série c'est qu'elle a une super longévité et pourtant, moi je trouve qu'elle fait pas ringarde comme les feux de l'amour quoi. Tu vois. Non, ça c'est vrai effectivement, mais ce bruit. C'est vraiment bien, tu sais. Tu sais, c'est les espèces de. Je sais pas qu'on appelle ça, jingles. Avec... j'aime votre truc. Tu t'endors, tu t'endors. Il y a trois séries. Hein. Enfin, il y a trois unités spéciales. Ouais, il y a New York qui ont le tintin. Ah d'accord, ok. Parce que tu sais, en fait, c'est bien parce que quand tu t'endors, oh putain, t'es réveillé par le tintin. Ça fait peur. Ça peut faire très très peur. Que vous pourriez. Oh là là, ils veulent violer un violon maintenant. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Bon, oui, grosse info aussi. Enfin, grosse info. Je pense. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a Pepsi Cola là qui a proposé une application très spéciale sur l'iPhone. Où trouver un vendeur de Pepsi? C'est un truc contre Coca-Cola? Non, d'ailleurs, je ne comprends pas que Pepsi fasse un truc comme ça. Ils ont créé une application qui permet aux hommes de répertorier leurs conquêtes féminines sur leur téléphone. Voilà. Elle s'appelle comment l'appli ? Ça s'appelle I'm up before you score. C'est bon, regonfle-toi avant de conclure, en gros. Et donc c'est pour les hommes, c'est pour que les hommes puissent partager avec les autres hommes des informations sur les goûts et les habitudes des femmes, classées en 24 catégories, rockeuse, starlette, étudiante, etc. Attends, je capte pas. Ça sert à quoi exactement l'application ? C'est pour trouver une meuf ? Bah, en gros, si tu veux essayer de serrer une meuf, l'application te donne les dernières infos, des remarques, des réflexions et bien plus encore pour t'aider à draguer 24 types de filles. Ah mais j'aime bien ce truc moi, et on peut baiser avec, avec ce genre d'application. Non mais j'ai l'appli, regarde. Alors évidemment là on pourra pas vous faire une grosse démo, de un parce que ce n'est pas spécialement radiophonique. C'est en anglais. Et de deux, bon c'est en anglais mais ça c'est pas encore le plus grave. C'est surtout que là l'application je viens de la télécharger donc il y a pas d'infos dedans. Donc c'est juste, je vais la donner à Tof qui c'est lui qui est encore le mieux. Bien sûr, le plus à même de faire fonctionner cette belle machine. Non, je peux la faire fonctionner aussi mais bon. Bref, t'as tous les types de filles et. Ah y a quoi comme type de meuf voilà. Alors il y a actrice, artiste, athlète, étudiante, businesswoman, célébrité, danseuse. Vas-y, on va en trouver 1% de rond. Il y en a une qui s'appelle Cougar. Bah, actrice. Et elle est habillée en léopard, tout ça, etc. Il y a aussi étudiante étrangère, comment on appelle ça Erasmus. Erasmus, ouais. Gothique, fille indépendante, mariée. Fille indépendante. Militaire. Ah carrément. Et ouais, il y a quoi aussi je sais pas, fille politique, enfin femme de. Ouais, et si bref, tu cliques sur quoi, un princesse, punk, etc. etc. Clique sur punk. Punk. Allez, dragon Sandro. Voilà. Et donc là, on a la tête de la punk. Donc, hein. Alors, bah après, je vais laisser faire Tof hein, pour qu'il lise tout le bordel et pour qu'il essaye de voir et comment elle fonctionne. Ouais, en fait, ça donne des conseils pour draguer ce style de fille, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, etc. Ah ouais, etc. Ça, en fait, ouais, t'as donc par exemple, là, on a pris punk, donc ils te mettent les local skate shops. Donc, c'est-à-dire, c'est les endroits où tu peux l'emmener après. Pour, après, t'as les local punk clubs, donc tous les clubs où tu peux l'emmener pour voir. Voilà. C'est marrant ça. On va voir les femmes mariées, s'il te plaît. Punk rock primeur, par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Punk primeur ? Primeur, ouais. Je sais pas parce que il télécharge pas le truc et après tu as les chansons d'amour punk. je pense que ça peut être assez marrant d'aller les télécharger. Ouais, ça peut être une idée effectivement. Vous ouais. avez un problème. Ah oui, en fait ça te renvoie sur le lien Wikipédia avec toutes les chansons punk d'amour. Donc voilà, l'idée n'est pas mauvaise, mais par contre il y a eu beaucoup de bruit avec ça aux États-Unis et ben Pepsi s'excuse. Il n'y a pas de quoi faire. Voilà. Moi, c'est sympa le truc. Ils se sont excusés sur Twitter. Et donc en parlant d'iPhone, il y en a encore qui ont explosé un peu partout en Europe. Hein, c'est... Oui. À croire qu'ils sont piégés quand même. À un moment, je m'inquiéterais. Hein. Qu'est-ce qu'ils racontent? Bah, je sais pas. Moi, je me demande s'il n'y a pas des terroristes de l'iPhone, c'est qui piègent les iPhones pour les faire péter. Mais pourquoi ils feraient ça? Bah, c'est un complot. C'est la concurrence. C'est Bill Gates. Enfin, je sais pas moi. Pour détruire le produit, pour que plus personne n'en achète. Tof, tu devrais arrêter de regarder X-Files et des reportages sur la grande conspiration mondiale sur le net. Hein. Enfin, moi, je dis ça. C'est juste pour aider. Après, ça vous intéresse pas? Non, non. Bah, c'est pas ça. Mais bon, déjà, rends-moi l'iPhone, hein, parce que. Attends, mais j'essaie d'autres meufs là. T'as cherché quoi, secrétaire? Attends, je sais pas. Elle est où, secrétaire? Non. Tu viens de la passer. Ugly. Non, c'est pas ça. Bon alors. Ah bah attends, mais vous dérangez pas pour moi, je me débrouille. Ouais, c'est bien ça le problème. Ouais. Bon, ah, voilà. Toujours dans l'iPhone qui explose. En France, il y a l'adjointe au maire de Cognac qui raconte qu'elle venait de raccrocher et il y a un truc qui est grave. Quand le verre s'est brisé, ça a fait comme des aiguilles et il y en a une qui lui est rentrée dans la main. C'est quand même relativement dangereux. Oh, putain. C'est chaud. T'imagines si l'iPhone t'explose dans la gueule, tu te retrouves avec plein d'aiguilles quoi sur le visage. Ouais, c'est une petite séance d'acupuncture gratos. Ah, sympa. Alors on sera content. Hein. Moi, je comprends mieux. Pourquoi t'as fait cette tête? Par contre, si votre iPhone explose, alors là, c'est pour ça que le roi a acheté l'iPhone, j'ai compris. N'hésitez pas à porter plainte. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un jeune gars en Belgique qui a eu un problème avec son iPhone et il a même reçu une décharge électrique. Eh bien, il y a l'assureur d'Apple qui lui a proposé 2 100 € d'indemnisation. Ça va. Ah ouais, ça vaut le coup que ça pète, quoi. Ah bah, tu m'étonnes. Eh bah, il a refusé le gars. Hein, ouais, il a déclaré, en me donnant de l'argent, ils reconnaissent qu'ils ont tort, ils espèrent peut-être acheter mon silence, mais j'irai jusqu'au bout, jusqu'au tribunal. Ah, donc, il n'a pas tort, à la rigueur, il peut essayer de leur gratter plus d'argent en allant au tribunal, quoi. C'est vrai que c'est super dangereux ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, moi à leur place, je creuserais quand même la piste terroriste. Oh. Et si tu creusais un trou pour te cacher dedans? Bon, en parlant d'iPhone et de boisson, on avait fait une application Hippicole et Pepsi aurait peut-être dû faire ça d'ailleurs. Si vous venez de vous faire larguer par votre femme, que vos amis ne vous appellent même pas et que vous êtes seul un samedi soir, il y a une application pour ça. Oui. Et vous êtes ministre de l'écologie, que vous voulez profiter de toutes les réceptions de l'Élysée Pour reprendre une cuite, il y a une application pour ça. Et vous êtes comme moi, ou comme tous les jeunes Français qui déglinguent toutes les bouteilles possibles et que... Ah putain, il n'y a plus rien à voir. Il y a une application pour ça. Découvrez la nouvelle application d'Apple, iPickle, uniquement sur l'i... sur l'iNeken. Ah, sur l'iPhone, bien sûr. Il y a donc une application... oui, bravo tout. Pour l'euro, hein. Merci. Avec plaisir. Bon, et puis vous le savez, on a tous des iPhones et Roux est devenu un spécialiste de toutes les applications iPhone. Et donc on a une autre appli hein, qui aurait pu servir à Pepsi. On écoute. Si vous avez une gueule pas terrible et que vous ne pouvez pas tout miser sur votre physique pour séduire, il y a une application pour ça. Ils se sont visés. Si vous voulez être sûr que la pouffe devant vous sera dans votre lit ce soir, il y a une application pour ça. Se sont visés. Et si vous voulez vérifier que ça vaut vraiment la peine de claquer 50 euros dans un resto pour une meuf comme elle, il y a une application pour ça. McDo. Téléchargez I veut baiser. Uniquement sur l'iPhone. Cela dit, le nom de l'application est beaucoup plus facile à télécharger que Am. Attends, c'est quoi le truc? C'est Am Pop Before Your Score. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est un peu long quand même. Hein. Bon, et puis la petite dernière, c'est normal parce que sinon on va avoir un procès. Hein. Donc, comme on parle beaucoup depuis quelques jours, on en a aussi une pour Sarkozy. Hein. Ça aurait peut-être pu l'aider avec l'histoire de son fils. Hein. Si vous voulez mettre votre fils au pouvoir sans que ça se remarque trop dans les médias, il y a une application pour ça. Si vous voulez être une star de la télé qui apparaît simultanément dans tous les journaux télévisés de France, il y a une application pour ça. Et si vous voulez faire bosser les gens le dimanche jusqu'à leurs 85 ans, il y a une application pour ça. Téléchargez iSarkoze uniquement sur l'iPhone. Voilà, donc il y a une application pour à peu près tout. Hein. Ouais, mais uniquement sur l'iPhone. Oui, c'est vrai. Et la dernière découverte de vraie application, Roux, c'est quoi? EasyBière. Ouais, j'ai téléchargé ça hier, c'est génial. En fait, ça te dit quelle bière. Alors, par exemple, je te dis une bêtise, tu dis à ton iPhone que t'aimes boire de la Heineken, et ben il te dit attention, la Heineken se conserve à tel degré. Ah, fort! Et par exemple, parce que la Heineken et la Left, il faut pas les conserver au même degré. Ah bon? Et par exemple, non. Si tu bouffes. Combien de degrés la Heineken? Je sais pas, j'ai pas regardé, enfin je regardais vite fait quoi. Si tu veux bouffer. Et donc il faut adapter son frigo à ta voilà, bière. C'est quoi. Ça. Il faut même avoir plusieurs frigos. Ah, et oui, c'est oui. Encore mieux que ça, c'est-à-dire que tu peux adapter ta bière à tes plats. En fait, tu rentres le plat que t'es en train de manger et il te dit mieux vaut celle-ci. Ouais, c'est mieux pour la Lef ou. Hein, c'est comme pour les vins. Quoi. Comme pour les vins quoi. N'importe j'ai trouvé ça vachement quoi. Bien. Ouais. Bah, ça, après, faut boire la bière. Hein. Ah ouais, bah, ce serait drôle que tu sais, tu rentres un match de foot et il te dit quelle bière boire. Enfin, pour le PSG, il donnerait tout le temps la 8-6, évidemment. C'est ça, évidemment. Et la dernière découverte d'application de Zandro, c'est e-toilette. Voilà, où trouver les chiottes les plus proches de toi. Ouais, c'est important. Oui, c'est important. Et la dernière de Toff, La dernière de Toff, c'est toi qui me l'avais téléchargée avec les radios. Ah, Orange Live Radio. Non, c'est une que Mike m'a téléchargée avec. En fait, ce qui est vachement bien, c'est que ça plante jamais. Ah, pour écouter les radios US, ouais. Oui, ça fait longtemps, donc t'es pas. Ça fait longtemps que j'ai pas cherché d'appli. Le seul problème, c'est que dès qu'il allume son iPhone, il y a tellement de meufs tellement de messages de gonzesses que. Mais il a des applications, Toff, tu sais même pas à quoi ça lui sert, il a Itaro. Ça marche pas, je suis déçu. Ouais, c'est ça, moi, je suis dégoûté parce que je pensais que c'était pour faire un solitaire au tarot, mais non, ça a pas marché. Tu pensais que tarot c'était la baise. Non, c'est les tarots. Il y a le player TF1 qui marche super bien en fait, donc c'est TF1 en live sur ton iPhone. Ah, c'est payant. Et puis non, c'est l'application qui est payante. Tout le reste est gratuit. Et puis t'as toute la VOD à dispo en fait, donc toutes les émissions quoi, confession intime et tout, tu peux les mater quand tu veux sur ton iPhone. Waouh, cool. Sauf les matchs de foot en live, là tu ne peux pas les voir. Ah ben ouais, ça chie. Ça c'est normal. C'est normal, c'est normal. Bon, bah très bien, bah on l'a fait. J'ai vu aussi une application pour. Pas pour apprendre à baiser, mais genre pour des jeux sexy. Bon, ça doit être une application anglaise parce qu'ils ont traduit ça jeu de sexy. Ah oui, à mon avis, ça doit pas être français, effectivement. Bon, ben voilà, comme ça, si jamais vous êtes heureux propriétaire d'un iPhone, et surtout vivant, parce que ça veut dire qu'il n'a pas explosé encore, ou d'un iPod Touch, eh bien, vous avez donc la possibilité de télécharger tout ça, bien sûr, gratuitement ou pas, ça dépend de ce que vous choisissez. Bon, on se met, qu'est-ce qu'on va se mettre Beyoncé tout à l'heure avant minuit avec Sweet Dreams, et on se fait le question pour une réponse dans quelques instants. Si Jack Bauer devait écouter une seule émission de radio pendant 24 heures alors qu'il sauve trois fois le monde, deux fois sa fille, et tout ça sans pisser, ni manger, ni dormir. Il n'y a pas de doute, ce serait celle de Michael et sa bande de terroristes. Michael, 21h minuit, bien plus improbable qu'une journée de Jack Bauer. En direct tous les soirs sur Énergie, 21h minuit. Donc avec le Polo Show qui arrive tout à l'heure, il y aura la rediff du 6-9 avec Mustapha et Flo et surtout Nikos bien sûr qui sera là. Et d'ailleurs demain, il y aura Prince en interview dans le 6-9. Donc soyez bien là à partir de 6h du mat. Il y a Yamine et Arnaud qui sont là maintenant. Yamine, 20 ans de Lyon, comment ça va Yamine? Ouais, bonsoir Mickaël, bonsoir toute l'équipe. Ça va bien? Ouais, salut. Ça va tranquille, bon. Et vous? Ben, ça va, ouais, bienvenue à toi Yamine. De l'autre côté Arnaud, 28 ans du 79, comment ça va Arnaud? Ça va bien, bonsoir Mickaël, bonsoir toute l'équipe. Salut Arnaud, bonsoir. Alors... Alors là, Sandro peut pas jouer. Hein. Là, il y a trichage, avant même de jouer. N'importe quoi, je me demandais s'il jouait. Ouais, il te fait des signes comme ça pour jouer? Il te décrit un objet pour te dire oui ou non? Je crois à l'école, tu sais. Ah, j'avais même pas percuté. Non, non, il me demande avec qui il joue. Je lui dis, tu joueras avec le roux. Ça fait une forme de V. C'est ça. C'était ma question en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais, il a fait le signe Y pour Yamine. Ouais. Moi, de toute façon, Sandro, je t'ai choisi. Ouais, il faudra changer, Yamine. Mais je te jure que j'ai vraiment pas capté ce qu'il me disait. Oui, mais ça, j'y peux rien si t'es bête. Okay, pour pas comprendre. Changer, je vais prendre Jack. Mais non, il trichait même pas. Non, Jack, il peut me pas. Disait, tu joues avec Yamine. C'est ça. Bon, Yamine, tu veux jouer avec qui? Avec Micha. Pour la peine, il est puni. Mais non, parce que s'il souffle la réponse, c'est qu'il les connaît. Tu veux quoi, Yamine? Bah, je veux jouer avec Sandro. D'accord, mais tu commences avec moins un alors. Non, bah, je prends le roux, voilà. Non, le roux, c'est Arnaud qui choisit. Bah, il reste Toff. Hein. Toff, alors. Allez, Toff, alors, très bien. Et Arnaud, donc, toi, tu choisis le roux d'après ce que je vois dans le standard. Voilà, c'est ça. Bravo, Sandro. Quoi? Eh ben, grâce à ta mauvaise foi. Mais n'importe quoi, j'étais en train de demander si je jouais, avec qui je jouais. Donc, si vous croyez plus les paroles saintes, non, maintenant, excusez-moi, quoi. Les paroles saintes. Micha, là-bas. Là-bas. C'est absolument dingue. Là-bas. Oh, bah, c'est incroyable. Là-bas. Et ça veut dire que Roux, il l'a vu, le signe aussi, alors? Bah oui, mais je sais pas, le V, ça peut être 10 000 trucs. Ouais, bah oui, parce que tu me demandais ce que ça pouvait être, il y a deux secondes. Non, je t'ai demandé est-ce que ça correspondait à Yamine. Ouais, c'est ça. Ça t'intéresse vachement de savoir c'est ça. C'est surtout que Micha, je vois pas comment il peut savoir les réponses, là, pour le coup. Mais non, c'est il les a pas. Bah non, peut-être que c'est une erreur. Et bon, est-ce que c'est fini ce que c'est bon. Bah oui, c'est incroyable. Calme-toi, tu vas encore avoir des cheveux gris. J'ai pas de cheveux gris. Ah bah oui, c'est vrai, t'en as pas. Non, j'ai pas de cheveux gris. Ils sont pas gris. Bon, et ils sont pas blancs non plus. et d'ailleurs, les cheveux gris que je n'ai pas vous emmerdent. Bon, allez, on y va. Yamine, tu as donc choisi malencontreusement et surtout malgré toi. Toff et Arnaud, tu as choisi Roux pour jouer à Question pour une réponse. Allez. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Micha, qu'est-ce qui... Je t'ai dit d'aller là, c'est pas pour taper la discute avec la terre entière. T'as qu'à prendre des papiers et travailler pour demain déjà. Mais là, il est ravi de, là, d'être au coin, il a rien à faire. Au moins, c'est justifié là qu'il faut qu'il. Tu veux qu'on dévisse standard sur ton iPhone pendant. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Bon allez on y va, c'est parti. Vous êtes prêts? Prête. Ouais. Tu joues pas Sandro. Ah oui. Première question, Yamine joue avec Toff. Arnaud joue avec le roux. Première question, attention. Top. Je suis né en Angleterre en 1990 à Walthamstow. C'est dealer à un roller. Oui. Ah putain, Brian Harvey. C'est une mauvaise réponse. C'est dealer à un rôle prépondérant.